êtes assez fou pour l'écouter. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Aujourd'hui à Assemblage Recu. Xavier Antoine est de retour avec sa chronique Tais-toi et cuisine. Et on parle sport avec Nicolas Ducharme. On a aussi toutes les actualités geeks de la fin de semaine dans Célix. Assemblage Recu qui commence. Tout de suite. Alors, on a déjà fait ça. Bon matin, bon réveil en ce lundi 20 février 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François Olivier. Et on est en direct des studios de 6 fois à Trois-Rivières pour cette édition d'Assemblage requis. Et oui, une autre semaine qui commence de façon, je dirais, électrique. Électrique. Cette semaine. Hey, j'arrête pas de pogner des chocs partout. Et des chocs puissants. Oui, des chocs que tu sens dans ta main. Foudre, là. C'est foudroyant. Tant de chocs. C'est électrique, Mathieu. Exactement. C'est pour ça. Donc, aujourd'hui à l'émission, on aura la chronique Tais-toi et cuisine avec Xavier Antoir vers les 8h. Il va nous faire déguster sûrement un autre de ses thés. J'ai ramené ma tasse de thé aujourd'hui au travail. Ah oui, j'ai vu ça. J'ai hâte de pouvoir m'en servir. J'ai vu ça. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est à 8h. Ensuite, à 8h30, on aura Nicolas Ducharme. Nicolas Ducharme, oui, qui va nous annoncer en grande primeur que les Patriotes vont passer à la deuxième ronde des séries. Tu voles des scoops, là. Ouais, ça. Pas correct, ça? Ben, pas correct, mais faut informer nos chers requins. Ah, nos petits requins avec les dents acérées. Fait que c'est sûr qu'on parle des Patriotes hockey qui, je pense qu'ils ont subi une grosse défaite. Bref, ça va être vers les 8h30. D'accord. Et j'imagine qu'on va parler du Canadien aussi. Voilà. En première heure, on aura évidemment les chroniques habituelles, la chronique Geek CNX et aussi C'est un fait aujourd'hui. Ouais. Parce que Kiwan n'est pas là. Oh non, c'est vrai. On l'a jeudi. Oui, jeudi. Voilà, donc Kiwan avec sa collègue. Kiwan en cavale qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Tout à fait, parce que je pense que c'est férié aujourd'hui, hein? C'est le jour de la famille, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, le jour de la famille. Ouais, et je crois qu'aux États-Unis, c'est le jour des présidents, hein? President's Day. Hein? Ah, je sais pas, par exemple. Mais j'ai su, par exemple, qu'en Ontario, c'était le jour de la famille aussi. Ah! Bon, je pensais que c'était vraiment une fête provinciale, mais ça a l'air que... Apparemment, c'est plusieurs provinces qui l'ont adopté. Au Québec, il n'y a pas ça, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. C'est un petit peu dommage, ça. Ouais, c'est plate. Ouais. Et, en tout cas. Donc voilà pour cette émission aujourd'hui à Assemblage Requis. On va avoir bien du plaisir. On commence avec Fanny Bloom et son nouvel extrait Parfait. On écoute ça à l'instant. Donc c'est fou. 89.1 FM, la radio Campus de Trois-Rivières. Bonne émission, bonne semaine. Hein? Bonne semaine. Ouais. Bonne semaine. Non. Wow. get hot, get too close to the flame. Wild open space, talk like an open book. Sign me up, got no time to take a picture. I'll remember someday all the chances we took. We're so close to something that I left unknown. We're so close to something that I left unknown. I can feel it in my bones. Give me sympathy after all of this is gone. Who would you rather be? The Beatles or the Rolling Stones? You're gonna make mistakes, you know. Come on, baby, play me something like Here Comes the Sun. Come on, baby, play me something like Here Comes the Sun. Don't go, stay with the all unknown. Stay away from the hook. The chances we took. We're so close to something that I left unknown. We're so close to something that I left unknown. I can feel it in my bones. Give me sympathy after all of this is gone. Who would you rather? All the Rolling Stones. Oh, seriously, you're gonna make mistakes, you know. Come on, baby, play me something like Here Comes the Sun. Give me sympathy after all of this is gone. Who would you rather be? The Beatles or the Rolling Stones? You're gonna make mistakes, you know. Come on, baby, play me something like Here Comes the Sun. Come on, baby, play me something like Here Comes the Sun. Métrique avec la pièce Give Me Sympathy. Et on a commencé le bloc avec Fanny Bloom. Mm-hmm. Fanny Bloom. De la Panthère Rose. Oui, c'est ça, exactement. Ex la Panthère Rose. Ex. Ouais, c'est mort, ça. Ouais, c'est mort. Ça fait quand même longtemps, ouais. Ouais. Décidé de partir solo, j'imagine. Ouais. C'est plus payant. Ah, ça, je sais pas. Par contre, je sais pas du tout, mais c'est son nouvel extrait du palmarès francophone qu'on a entendu. Maintenant, toujours assemblage requis, à 7h12, c'est le moment de Cynics. Cynics. Oh oui, le bulletin Geek Cynics qui fait les nouvelles, le tour des nouvelles depuis mercredi matin passé, donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Hein? On va commencer par des nouvelles de Facebook. Tiens, 8 mois de prison en Grande-Bretagne pour un étudiant qui avait piraté Facebook. Un étudiant britannique en programmation informatique a été condamné à 8 mois de prison pour avoir piraté le géant des réseaux sociaux, Facebook. Une affaire qui avait déclenché une enquête du FBI. Glenn Mangum, 26 ans, a reconnu avoir piraté Facebook entre avril et mai 2011 depuis la maison de ses parents à York, dans le nord de l'Angleterre. Il a expliqué qu'il entendait ainsi démontrer les faiblesses du système de sécurité du site. Ouais. Ça a fonctionné, je pense. Hein? Ben oui, c'est ça. Il a affirmé qu'il avait auparavant fait de même avec le portail Internet de Yahoo et avait ensuite prévenu la société pour les informer des défauts de leur site. Ah, j'aime bien cette façon de faire. C'est bien, ça. C'est quoi? Donc, il y avait réussi à s'infiltrer dans le site de Yahoo et après ça avait contacté Yahoo pour leur dire « Hey, votre site est pas safe. » OK. Il n'y a rien fait là. Non, c'est ça. Le procureur Sandeep Patel a rejeté les allégations du jeune homme, n'acceptant pas que le piratage de Facebook soit autre chose que malveillant. Lui, pour lui, ça se peut pas. Si tu hackes quelque chose, c'est nécessairement pour faire le mal. Ouais. Glenn Mangum a agi avec détermination, une ingéniosité indubitable et dans un esprit calculateur. Voilà. C'est le plus grave et le plus important incident de piratage de réseau social auquel la justice britannique a jamais été confrontée, a-t-il affirmé. Mais le gars, c'est quand même une brute. Oui, une brute. Oui, mais en même temps, un super-héros de la sécurité. Oh ouais, c'est ça exactement. Mais tiens, en tout cas, 8 mois de prison. 8 mois de prison, c'est beaucoup, je trouve. C'est beaucoup, pour... En tout cas, ouais. Facebook a dépensé 200 000 $ pour élucider l'affaire qui avait donné lieu à une enquête concertée, longue et chère de la part de la police fédérale américaine et des autorités britanniques. Les actions de M. Mangum ont de réelles conséquences et des conséquences éventuellement très graves qui auraient pu être absolument désastreuses pour Facebook, a estimé le juge Alistair McQueen. Une peine de prison est indispensable. Mais bien. Eh bien, que voulez-vous? Toujours au sujet de Facebook, Facebook a commencé la semaine passée à valider l'identité des personnes avec un grand nombre d'amis, rappelant un petit peu les comptes vérifiés de Twitter. Cette nouvelle option permettra aux comptes vérifiés de choisir d'afficher leur nom de baptême, ce qui est obligatoire sur Facebook, ou un pseudonyme. Donc les vedettes vont avoir le droit de choisir un pseudonyme à la place de marquer leur vrai nom. En fait, je savais pas que sur Facebook, tu étais vraiment obligé de marquer ton nom. Non, c'est ça. Mais apparemment que oui. Une fois vérifiés, ils pourront mettre plus en évidence un autre nom, par exemple un surnom, un nom de fille, nom usuel sur leur profil. La quantité d'amis nécessaire pour être considérée comme une personnalité n'a pas été indiquée, mais Stéphanie Germanotta pourrait certainement afficher Lady Gaga sur son profil prochainement. L'avantage de confirmer l'identité des gens a été vanté par le cofondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, lors d'une conférence des développeurs de la compagnie. Maintenant, on revient au Canada, à Winnipeg. Winnipeg, la GRC a utilisé Facebook pour mettre un terme à une confrontation avec un homme armé qui s'était barricadé dans une résidence de la municipalité de Brochet. Brochet, dans le nord-ouest du Manitoba. Oui. Le suspect aurait menacé les occupants de la maison avec un fusil de chasse dimanche soir après que les victimes, ça c'était dimanche soir de l'automne d'avant, eurent appelé les policiers concernant une affaire d'agression. Le suspect a refusé de quitter la maison. Une femme a toutefois été en mesure de lui fausser compagnie en s'enfuyant à l'extérieur vers 23h, tout juste après l'arrivée de l'équipe de négociation de la GRC. Les autorités ont constaté qu'il n'y avait pas de service téléphonique. C'est alors que les négociateurs ont utilisé Facebook pour communiquer avec le suspect. L'homme s'est finalement rendu aux autorités vers 9h30 lundi. L'individu, âgé de 37 ans, est accusé d'agression armée, d'avoir proféré des menaces d'entrée par effraction et de possession illégale d'une arme à feu. Tabarouette. Ça va pas bien? Non, du tout. Lâchons Facebook pour aller du côté de Twitter cette fois-ci. Twitter qui admet stocker les contacts de l'iPhone pendant 18 mois. Ces réseaux Twitter a largement bénéficié de son intégration au sein de l'iOS 5, c'est le système d'exploitation de l'iPhone. Ce dernier n'aurait cependant pas été très transparent avec les mobinos, les utilisateurs de téléphones mobiles. Okay. Souvenez-vous, lors du sommet Web 2.0, le PDG de Twitter affirmait, je cite, « L'intégration avec iOS va être absolument énorme pour nous, bien plus que nous l'imaginions. » Depuis la disponibilité d'iOS 5, le site avait en effet enregistré 3 fois plus de créations de comptes chaque jour sur ses serveurs. Cependant, la politique de confidentialité du service ne serait pas tout à fait claire. Le Los Angeles Times rapporte que la fonctionnalité « Trouver des amis » disponible au bas de la section « Découvrir » de l'application est trompeuse. En effet, si celle-ci vous propose de scanner vos contacts pour trouver des gens que vous connaissez sur Twitter, le mécanisme procéderait plutôt au chargement de votre carnet d'adresses sur les serveurs de Twitter. Donc, Twitter récolterait le nom, le numéro de téléphone ainsi que l'adresse e-mail de vos contacts et ces informations seraient stockées pour une période de 18 mois, un an et demi, hein, quand même. La porte-parole du réseau ne semble pas indiquer que le mécanisme sera modifié à l'avenir. Twitter se contentera de mettre à jour ce message en remplaçant le terme scanner par charger et importer. Oh. Oui, ça va être beaucoup mieux comme ça. Mais pourquoi stocker ça? Pour vendre la pub, je sais pas. Je sais pas. Sérieux, j'essaie de me le demander. Je trouve pas l'utilité, hein. Si jamais ils en trouvent une, peut-être plus tard, les utilités vont pouvoir. Ils vont déjà avoir les adresses. Je sais pas. Bonne question. Il est possible d'enlever l'intégralité de ses contacts des serveurs de Twitter en cliquant sur le lien qui est disponible dans l'article sur assemblagerequis.com. Maintenant, une autre affaire de choses croches, Google qui répond aux accusations d'espionnage d'internautes. Google s'est défendu d'avoir voulu espionner les internautes utilisant le navigateur Internet d'Apple, Safari, ce dont l'accuse le Wall Street Journal, expliquant que les témoins ou les cookies publicitaires en cause reposaient sur une fonctionnalité du programme Safari. Le quotidien financier a affirmé que Google et d'autres entreprises de publicité utilisaient des codes de programmation spéciaux cachés dans les commandes de Safari pour surveiller et enregistrer les habitudes de navigation des utilisateurs de cette application d'Apple. Je cite, nous avons utilisé un dispositif technique connu de Safari pour fournir des fonctionnalités que les utilisateurs de Google connectés à leur compte avaient activées. Donc, c'est ce qu'a répliqué Google. Tous les internautes qui créent une adresse électronique Gmail, un compte sur le réseau social Google Plus ou encore un blog sur Blogspot ouvrent dans le même temps un compte Google. Ça, on savait ça. Donc, en plus d'équiper les ordinateurs de bureau et portables Mac, Safari est le navigateur Internet le plus utilisé sur les téléphones multifonctions grâce au succès de l'iPhone. Ça aussi, on savait ça. Donc, Google a expliqué que la version par défaut de Safari bloquait les cookies émanant de tierces parties, mais qu'elle permettait pour ses utilisateurs beaucoup de fonctionnalités web reposant sur des dispositifs tels que le bouton plus 1. Donc, dans le fond, c'est que cette option permettait aux utilisateurs de faire des recommandations aux autres en indiquant ce qu'ils aiment. Bon, donc, c'est que il se faisait passer pour... comment expliquer? C'est difficile d'expliquer en même temps, mais c'est que les affaires de tierces parties, donc de Google, n'étaient pas acceptées. Les affaires de premier plan, dans le fond, étaient acceptées. Donc, il fallait passer par un genre d'entourloupe, là, genre, tu sais, pour voir les autres choses. Pour se faire passer pour quelque chose de premier plan et puis pouvoir. En tout cas, bref, c'est vraiment compliqué. Moi, je me rends compte. Pas sûr de comprendre. Ben, moi, je le comprenais très bien, mais j'ai de la misère à l'expliquer, on dirait. Donc, afin d'activer ces fonctionnalités, nous avons créé un lien temporaire de communication entre les navigateurs Safari et les serveurs de Google pour pouvoir vérifier si un utilisateur de Safari était également connecté à un compte Google. Mais nous avons conçu ceci de telle sorte que l'information passant entre le navigateur de Safari et un crime, j'ai de la misère à le dire. Je suis pas capable. Laisse faire. Mais bref, c'est ça. Prochain sujet? Ça te va? Prochain. Oh, oui. Le CRTC a annoncé son intention d'entreprendre un essai de 3 mois pour permettre les communications par texto dans les centres d'appel 911. Donc, okay, tu vas pouvoir texter 911. C'est exactement ça. Donc, on c'est nous dit. C'est pas clair. Ouais, ben c'est ça. Tu vas pouvoir texter le 911, ton message d'urgence. Là, tu me dis, c'est ridicule, mais non. En fait, si vous êtes une personne avec une déficience auditive ou un trouble de la parole, ça pourrait être utile. Ah, ouais. Donc, je cite. Cet essai portant sur la communication par texto est l'un des nombreux projets que le CRTC explore en ce moment dans le but d'améliorer l'accès des personnes ayant une déficience auditive ou un trouble de la parole aux services de communication. L'essai regroupe des personnes préenregistrées de Montréal, Peel, Toronto et Vancouver qui feront des appels 911 tests. Ces tests devraient permettre de recueillir des renseignements de nature technique et opérationnelle qui permettront d'évaluer la faisabilité du déploiement d'un tel programme à l'échelle nationale. Cette initiative a été créée suite à une décision rendue en 2009 pour améliorer l'accès de ces personnes au service 911. Voilà. Très bien. Parlons d'une autoroute qui charge les véhicules électriques maintenant. Oui, vous songez à acheter une voiture électrique, mais vous êtes inquiet à l'idée d'épuiser vos batteries lors de longs déplacements. Des chercheurs de l'Université Stanford ont peut-être trouvé une solution à long terme, une autoroute qui rechargera vos batteries toute seule pendant que vous roulerez. C'est cool, ça, par exemple. Très cool. Le système à l'étude utilise des solénoïdes de cuivre enchâssés dans les routes elles-mêmes. Quand ceux-ci seront alimentés en courant électrique, ils pourront recharger les batteries de voitures qui circuleront sur la route par induction magnétique. En théorie, on pourrait donc conduire indéfiniment, oui, sans jamais avoir besoin de s'arrêter pour faire le plein d'électricité. Il pourrait cependant s'écouler plusieurs années avant que le système soit assez durable et sécuritaire pour être implanté dans les réseaux routiers. La présence de forts champs magnétiques pourrait nuire au bon fonctionnement des ordinateurs de bord des voitures, voire même nuire à la santé des passagers. Il ouais. Faut quand même vérifier ces affaires. Effet néfaste sur l'ordinateur portable, la carte de crédit sur le siège arrière. Voilà. Aussi. Un gros record que j'ai donc. Un intérêt majeur ici. Une entreprise qui organise des camps de jour tentera de réaliser... Ah, tenter, est-ce que c'était samedi qui vient d'arriver là et on n'a pas le développement si ça a vraiment eu lieu, mais une entreprise qui a de camps de jour qui va tenter de réaliser le plus gros code QR jamais fait et de le faire homologuer dans le livre des records Guinness. Tu sais, les codes QR, bon, c'est ouais, que carré. Tu scannes avec ton téléphone intelligent et puis... Est-ce que t'as déjà fait ça? J'ai non. Déjà essayé. OK, ça a marché? Ouais. Ça t'envoie vers une adresse... Internet. Ouais, non, c'est ça. Il n'y a rien de magique. Et puis, tu sais, en tout cas, tant qu'à l'ouvrir, faut que tu scannes. Tant qu'à ça, c'est bien juste noter l'adresse. Ouais. Donc, environ 500 personnes se sont réunies dans un champ de Saint-Janvier de Mirabel pour réaliser ce code géant qui a été lu à partir d'un hélicoptère. Les codes QR sont des codes, bon, barres illisibles par les téléphones cellulaires, comme on disait. Le code barre a été fait par des gens qui ont tenu de grandes tuiles noires. Le fond blanc, oui, c'était la neige. C'est bon, hein? Hein? En plus de réaliser un bon coup publicitaire, le patron de l'entreprise voulait ainsi marquer le lancement de la programmation de ses camps d'été. C'est super. Si personne ne se place sur la mauvaise case, le code QR aura une superficie de 15 000 pieds carrés sur la grandeur d'une piscine olympique, disait-il. On dit que le plus gros code-barre permanent a été fait à Charlotte, en Caroline du Nord. Il faisait 10 000 pieds carrés. Il était situé sur le toit d'un édifice. Et en fait, je crois qu'il est encore là, parce que ça parle au présent. Oui, mais... Parlant de record, Guinness, un jeu vidéo reçoit un record pour le plus de mariages célébrés en 24 heures. Le jeu de rôle massivement multijoueur et en ligne, Rift a battu un drôle de record Guinness pour le jour de la Saint-Valentin le 14 février dernier. Donc, 21 879 mariages ont été célébrés virtuellement dans ce jeu vidéo commercialisé l'an passé. Ce nouvel exploit sera inscrit dans l'édition Jeux vidéo 2013 du livre des records Guinness. Pour remercier les joueurs de leur collaboration, Trayon Worlds, l'éditeur et le développeur de ce titre, va leur envoyer un objet spécial pour leur personnage. C'est The Avowed. Ils pourront aussi consulter des images de la cérémonie. L'établissement de ce record a été une réalisation monumentale pour notre équipe de développement et pour la communauté de joueurs passionnés, et je ne pourrais en être plus fier, a indiqué le producteur exécutif de Rift. Le rédacteur en chef de l'édition consacrée aux jeux vidéo du livre des records Guinness s'est dit impressionné de voir autant de joueurs se réunir dans un événement semblable pour dire leurs vœux. Les joueurs peuvent se marier dans ce jeu vidéo depuis l'arrivée de la 7e mise à jour importante dénommée le Carnaval des élus. On peut d'ailleurs y jouer gratuitement jusqu'au niveau 20. Quand même. Depuis son lancement en mars 2011, Rift dénombre plus d'un million d'activations et en moins d'un an, le jeu a engendré plus de 100 millions de dollars de revenus. Donc, c'est très, très, très populaire. Les médecins canadiens ont prescrit pas moins de 40 heures de séances de jeu de tir à la première personne par mois pour améliorer la vision de patients nés avec des cataractes. OK. On parle de jeux vidéo aussi. Donc, des médecins canadiens qui ont prescrit pas moins de 40 heures de séances de jeu de tir à la première personne. Oh, ouais. Des shooters. Suite à ces nombreux massacres en ligne, les joueurs ont amélioré leurs résultats lors de tests de vision standard en étant capables de lire une voire deux lignes de plus sur le tableau des... OK. C'est là. Ah, c'est cool, ça. Oui. L'étude a porté sur 6 personnes âgées de 19 à 31 ans qui sont nées avec des cataractes. Les nouveaux-nés qui viennent au monde dans ces conditions sont normalement opérés très tôt, mais développent tout de même des problèmes de vision importants. En jouant à des jeux de tir à la première personne qui les oblige à se concentrer sur l'action qui se passe devant eux, mais aussi en périphérie, tout en suivant des objets parfois flous pouvant bouger dans des directions opposées, tous les patients d'étude ont sensiblement amélioré leur vision. Ils ont été en mesure de mieux percevoir des objets dont les contrastes étaient faibles et de mieux voir les subtilités entre des objets semblables. Il semblerait que de jouer aux jeux vidéo force le cerveau à se reconfigurer, ce qui permet de renverser certains dommages qu'on croyait permanents. Cette étude vient appuyer d'autres découvertes qui suggèrent que le jeu vidéo serait également bon pour traiter l'amblyopie, qui est l'œil paresseux. Puis ils travaillent sur un jeu thérapeutique non violent. C'est ça. Bon, aussi parce qu'ils veulent pas faire que des shooters. Ouais. C'est un peu violent, des shooters. Pour les enfants, surtout. Mm. Mm-hmm. Est-ce que je vais avec une dernière? Oui, OK. On va en Caroline du Nord. Les processeurs graphiques utilisés dans les consoles de jeux vidéo ont permis aux scientifiques de mieux comprendre le fonctionnement des cellules cancéreuses. Les chercheurs de l'Université de Wake Forest en Caroline du Nord ont effectué d'importantes découvertes concernant les cellules cancéreuses en utilisant des processeurs qu'on retrouve dans les consoles de jeux. Il s'agit de circuits intégrés sur une carte graphique qui assure les fonctions de calcul de l'affichage. Un biophysicien, et son équipe ont utilisé la technologie du GPU pour créer des simulations par ordinateur afin de mieux comprendre la façon dont les cellules cancéreuses se multiplient. Les chercheurs indiquent que ces nouvelles connaissances permettront de développer des traitements plus efficaces contre les tumeurs cancéreuses. Eh bien, tant mieux. Sinon, en bref, ils ont Apple a annoncé OS 10 Mountain Lion avec quelques nouvelles fonctionnalités. C'est le nouveau système d'exploitation. Encore une fois, l'année passée, c'était Lion. C'est Mountain Lion. Quelques petits trucs pas super intéressants, mais vous allez en entendre parler quand même beaucoup pendant les prochaines semaines sur les blogs d'informatique. Et allez voir l'article sur assemblagerequis.com pour les spécificités techniques, les nouvelles options qu'il y a là-dedans. Il y a aussi une brève sur le fait que le nom de code de la prochaine console de Microsoft, pour l'instant, encore une fois, ça a changé, serait Durango. OK. Comme, je pense, une voiture ou un camion, c'est la Durango. Ouais. Donc, apparemment, ce serait le nouveau nom de code de la prochaine console de Microsoft. Oui, le site qui insiste, le site où on parle de Kotaku ici, pour dire que ce ne sera pas le nom final de la machine, mais que Durango sera, semble-t-il, utilisé entre le dévoilement et le lancement de la console. Ça me fait lettre comme nom. Oui, c'est vraiment affreux. C'est comme la Wii qui s'appelait la Revolution pendant quelques mois, ou encore Kinect qui s'appelait Natal, avant d'être... Donne un nom bâtard juste pour... Un nom de code. Ah. Et voilà, Durango. Non, c'est bien trop un nom qu'on connaît déjà. Voilà, on se pourra. Pas malade. Et côté nouveaux jeux vidéo en magasin cette semaine, on va sauter par-dessus quelques trucs parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. C'est une extrêmement grosse semaine. Donc sur PC, il y en a plein. Allez voir sur assemblagerequis.com. Sur Xbox 360, on parle du jeu de fitness Zumba Fitness Rush. Oh. Ouais, BlazBlue Continuum Shift Extend. Il y a aussi Grand Slam Tennis 2 et UFC Undisputed 3, donc un jeu. Ça, c'est sur PlayStation? Sur Xbox 360, Xbox 360, oui. Okay. Sur PlayStation 3, les mêmes jeux, en plus de. Les deux derniers que j'ai nommés. Ensuite, Twisted Metal, et puis. C'est ça. Twisted Metal, ouais, comme ça fait longtemps que ça existe. Ouais, ça arrêtera jamais, je pense. Hein. Non. Ensuite, sur Nintendo Wii, Rhythm Heaven Fever. Rhythm Heaven Fever. La danse. Voir, c'est un jeu de... Danse. De danse, c'est ça? Ben, j'imagine. Ouais, je pense que oui. Parce que c'est très, très enfantin comme look. Hein? Ouais, c'est ça. C'est des jeux de rythme, en fait. Pas de danse, nécessairement, mais des jeux de rythme. De tennis, des trucs comme ça. Enfin, eh oui. Ouais. Et puis, c'est ça, sur 3DS, qu'est-ce qu'on a? On a Tekken 3D Prime Edition. On a Tales of the Abyss et puis Mario and Sonic at the London Olympics 2012. Donc enfin, le jeu de les Olympiques de Mario sort sur la 3DS. Hein, les enfants vont trouver. Il nous reste, parlant de consoles portables, vous savez, moi je suis un grand fan de la 3DS, là, même si des fois j'en ris parce qu'il y a beaucoup de jeux très très... très bas de gamme qui sort là-dessus. Mais la PS Vita sort cette semaine, mercredi, 22 février, et il y a des tonnes et des tonnes de jeux. La liste est sur assemblagerequis.com, mais entre autres, là-dedans, ceux qui m'intéressent, Rayman Origins. Tu vas-tu l'acheter? La Vita, oh, ouais. C'est ça. Ça sort mercredi? Mercredi, là. Ouais. Tu l'achètes mercredi? Ouais, je sais pas, ouais. Ah ouais? Ouais. Pas supposé, mais... Tu vas-tu l'amener? Ouais. OK. On en parlera en première heure, mais là, on n'écoute pas la première heure. Bon, donc, on a aussi Luminous Electronic Symphony, un jeu de genre à la Tetris, un puzzle. Il y a Mod Nation Racers Road Trip, hein, le jeu de course. Wipeout 2048, il y en a un paquet d'autres. Wipeout. Pas Wipeout, le jeu basé sur une émission de télé. Non, c'est un jeu de course à très, très, très, très haute vitesse. Un jeu de FIFA, un jeu de Formule 1, un paquet d'autres choses. Donc, la liste complète sur assemblagerequis.com. Voilà, il y en sort pas mal quand même en même temps. Ah oui, ben j'en compte. J'essaie de compter comme ça vite. Une vingtaine? Une vingtaine, je dirais. Ouais. À peu près. Ah. Entre la quinzaine et la vingtaine, j'ai bien l'impression. C'est pas mal. Oui, c'est beaucoup. Quelques jeux qui m'intéressent moins, comme Michael Jackson, The Experience, là, puis un jeu de golf. Puis, bon. C'est quoi Michael Jackson? C'est de la danse? Ouais, c'est ça. Je crois que c'est de la danse. Ouais. Je m'en rappelle bien. Mais en même temps, un jeu de danse sur une console portable, je sais pas. Ouais, moyen. Moyen. Ça m'agane quand tu piles dessus. Bon. Voilà pour la chronique CNX de ce lundi. Merci Mathieu. Ça fait plaisir. Merci Mathieu. Très très pas en forme cette chronique-là, je trouve, mais bon, c'est pas grave. Alors, on vient avec Salomé Leclerc, c'est longtemps qu'on l'a pas entendu. Oh. Voici Tourne encore sur C'est fou. 89 FM. Plus tard, reste là, on va boire du thé. Yeah. J'ai oublié mon chocolat chaud en plus, papa. En plus. Non, chacun ses raisons. J'aurai les yeux des marées bleues et le visage du temps pluvieux. J'aurai le cœur sur un nuage, passerai ma vie en décalage. J'aurai la tête sur l'oreiller, à peine posé les plumes aux pieds. J'abandonnerai mon âme d'avant et chercherai celle au présent. Il faudra regarder plus loin qu'un avenir prisonnier en vain. Marquer son nom au bas des pages, laisser des traces au passage. Mais si le ciel sur nous s'écroule, qu'on prenne les matchs ou qu'on déboule, j'arriverai toujours à tenir tête, même si j'en ai l'air bête. Tourne encore. Sur de mes pas, je prends le large, les idées un peu moins sages. Je marcherai sans peine sur les eaux, mettrai la nuit au tombeau. Que je sois seule, que je sois folle, que je ris bien ou que je grogne, il y aura toujours sur ma peau blanche mes détours et absences. Tourne encore.

C'est le volume 7, numéro 12, qui est en kiosque du 20 février au 4 mars 2012. On va commencer avec les actualités, François. Allons-y. Allons-y. On commence par la couverture, évidemment. On parle de l'Assemblée générale spéciale. Toujours 9 officiers à l'âge du QTR. On sait qu'il y avait une des questions dans cette Assemblée-là. D'abolir le poste de la personne aux communications. Exactement, ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé, exactement. Non. Donc voilà, tous les détails sont dans la page 2 du Zone Campus en ce moment. On parle du pavillon à la vie étudiante qui va coûter plus de 5 millions. Projet d'envergure. La première pelletée de terre n'est pas encore donnée, mais le projet a déjà considérablement changé depuis l'approbation des plans régionaux par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport en octobre dernier. Donc voilà, l'article est dans le Zone Campus. Et d'ailleurs, juste un petit retour, j'aimerais ça inviter les gens à regarder à la photo à la page numéro 2. Page 2. Et puis, c'est quelque chose de très drôle. Est-ce que c'est ta tête? Non, il n'y a pas de tête. Non. Dix agréable ouais. Sur un chandail, oui, c'est sympathique. C'est bien cadré comme photo, je trouve. Toujours en actualité, on parle du franc succès des Jeux des infirmières et infirmiers du Québec à l'UQTR. On a la nouvelle rectrice qui entre officiellement en poste, Nadia Ghazali, qui prend les rênes de l'UQTR. Trois petites nouvelles, chaire de recherche à l'UQTR. Une nouvelle clinique de santé à l'UQTR, clinique multidisciplinaire qui a été inaugurée devant une partie du gratin trifluvien le 2 février dernier. Par la nouvelle rectrice, d'ailleurs. Encore une fois. L'éditorial ou le texte d'opinion de Simon Fédibé s'appelle « Les autres ». Il nous parle, entre autres, des mouvements étudiants. Les autres. Hein? Les autres. Tout le temps les autres. Voilà, pour il nous reste encore deux textes d'actualité. Commençant par le profil de criminalistique qui est ajouté au bac en chimie, ce nouveau programme à l'UQTR à partir de l'automne 2012. C'est officiel maintenant. Oui. Ça se parlait, mais okay. Là, c'est officiel. Vous pouvez vous inscrire ou en tout cas en savoir plus là-dessus, plus d'informations sur uqtr.ca/profil-criminalistique. Et puis le concours d'affiches scientifiques, la vulgarisation est scientifique au centre de l'affiche. Voilà pour les actualités, François. Merci Mathieu. Côté opinion, on parle de deux lettres d'opinion. En fait, une de M. Georges Croteau qui parle du professionnalisme des cliniques de santé. On parle de chiropodio et kinésio. Et on parle aussi des nouvelles de la pastorale de l'université qui ont organisé plusieurs activités dernièrement. Donc voilà. Et la dernière est faite par Mme Rachel Dadzi. Donc voilà, du côté société, il y a Michael Magny qui nous parle de la virilité des hommes et puis des femmes. C'est très intéressant comme article. C'est un peu un renvoi de la balle par rapport au truc de féminisme des derniers. Ouais, c'est ça exactement. Là, on est toujours dans le même créneau. Il y a Jean-François Veilleux aussi qui nous parle des 10 raisons de fermer la centrale nucléaire de Gentilly 2. Donc voilà, évidemment, on a le fantasque aussi. On a les jeux. On a une publicité. Ah, ben, Colin. Et on a les arts et spectacles. OK, arts et spectacles. On revient sur l'événement Question pour un champion, qui était un grand succès dans le cadre de la Coupe des associations. On parle d'exposition d'aquarelle, qui avait lieu jusqu'au 9 février dernier. L'événement Comment dire de com' social sur le thème UQTR's Got Talent, qui a lieu le 9 février passé. Une nouvelle exposition au centre de diffusion presse-papier de la part de l'artiste Caroline Mount. Toujours en arrêt spectacle, on fait un petit résumé du spectacle de Ben et Jarod à la hauteur des attentes. Il y a le spectacle du Pascal Picard Band, dont on a parlé avec Justine Renaud au Palmarès et Fou la semaine passée. Dans son éditorial culturel « Va voir, j'y suis », Sébastien Dulude nous fait une petite pièce de théâtre, « De la dynamite », nous dit-il. C'est très, très drôle. On va avoir l'occasion de l'entendre dans deux semaines ici à Assemblage Requis, donc pas mardi demain, mais mardi dans une semaine. Finalement, une semaine et un jour, oui. À peu près ça, ça ressemble à ça. L'événement multidisciplinaire qui s'appelait, ça avait un long nom, sur le champ de l'espace-temps, une architecture sonore et interactive qui avait lieu le 8 février dernier, on en parle un petit peu. On parle aussi du spectacle de la pièce de théâtre « Le boss est mort » en hommage à Yvon Deschamps avec Benoît Brière. Résumé du match de la Luître le plus récent, vert 9, orange 8, et on voit en même temps les fesses de quelqu'un qui n'est pas Maxime Tanguay, mais on voit Maxime Tanguay sur les fesses de quelqu'un d'autre, parce qu'en tout cas, belle illusion d'optique, j'adore ça, c'est une très belle photo. Ça. C'est cœur, hein? On dirait vraiment que c'est ses propres fesses. Ah, c'est bizarre, j'adore hein? Ça. Ouais. Cool, hein? Ok, ouais, je comprends, là. Je comprends la façon. C'est quelqu'un couché en dessous. C'est très bien. Donc voilà pour les arts et spectacles. Merci Mathieu. De rien, François. Du côté des sports, Mathieu. On parle de la Coupe universitaire de cheerleading qui approche à grands pas. Donc la préparation des Patriotes cheerleading. Et ça va bon train. Ça approche à grands pas, mais je suis sûr que ça fait pas juste des pas parce qu'entre les deux, tu peux pas juste marcher. Non, ils sautent puis toute la kit là, dans les airs. Il y a une photo d'ailleurs. Pas de bourré. Allez voir ça, c'est à la page 16. Et puis, on parle de l'UQTR en quatrième position du championnat provincial de natation. Donc, ça a quand même bien été. Je pense qu'on visait une position un peu plus élevée, mais bon. Ben, c'est rare qu'on dise, moi, je vise le top 4. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, non, ça arrive. Top 4, top 3. Ça arrive. Tu sais, des fois, quand t'es pas sûr de pas gagner, mais bon, ouais. Ça arrive. Et puis, deux défaites consécutives. Donc, Laval et McGill ont pris les devants. Bon, évidemment, ici, on parle du soccer féminin. Donc, voilà. Du côté du soccer masculin, les Patriotes échouent à Québec et triomphent à Montréal. Donc, une victoire, une défaite. On parle aussi de Ariane Belle-Rose Gauthier, passionnée de volleyball. C'est pas son nom de famille au complet, Belle-Rose Gauthier, passionnée de volleyball. C'est vraiment juste Ariane Belle-Rose Gauthier. Mais elle est passionnée de volleyball. Oh, Mathieu. Oh, Mathieu. Ben là, Colin. Ne m'en veux pas. Je t'en veux pas. Je te trouve attaché aujourd'hui. T'es fin. Moi, je me trouve vraiment pas, chamarin. Mais bon. Et puis, on parle Patriot Hockey, évidemment. Mais on va en parler un peu plus tard avec Nicolas Ducharme. Ben oui, ben oui. Ça va être un peu plus récent, d'ailleurs. Puis, profil de joueur, profil de Billy Lacasse, un joueur d'avenir pour les Patriots. Évidemment, ici, on parle du Patriot Hockey. Donc, voilà. Et puis, ah oui, j'oubliais la chronique de M. Maxime Bilodeau. Ben oui. Le Microscom sportif d'une foulée à l'autre. Donc, ça peut être fort intéressant. C'est toujours intéressant, ces belles petites chroniques-là. Voilà pour le Zone Campus. Beau journal aussi. Ben oui, très joli. Du 20 février au 4 mars, partout sur le campus du QTR, dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Et vous pouvez retrouver la plupart de ces articles-là, les commenter sur notre site, notre blog, zonecampus.ca. Zonecampus.ca, c'est super simple à retenir, ça. C'est comme le nom du journal avec un .ca, parce que c'est au Canada. Eh oui, non. Hey, un peu d'originalité. Ben, okay. Son campus passionnédevoler.com, non? Passionné de voler. Pas dans le nom, là. Non, non, ben c'est non. Ça. Aïe, aïe, hein? Aïe, aïe. Mais Stop 6 Gouya, ça devrait sortir, ben. Zone campus? Ouais. Probablement. En fait, j'imagine le premier. Sinon, quelqu'un qui fait pas sa job ici, là. Hein? Non, passionné de voler. Passionné de voler. Passionné de voler. Ah non. Ben non, hein. Sais-tu comment qu'il y a d'autres affaires qui s'appellent Zone Campus? J'en reviens pas qu'il y ait quelqu'un qui nous ait volé notre nom comme ça. Depuis juin 2008, Zone Campus regroupe les services et les informations relatifs à la vie étudiante. Hey, Zone Campus, le journal est là depuis 2005. Où ça, t'es où, ça? Je le vois pas. ZoneCampus.com, qui est bande de voleurs de noms. Ah, regarde. Les mêmes couleurs, en plus. Je sais bien. C'est inacceptable, ça. Faut faire quelque chose. François, bon. Donc, on va l'entendre, Roman. C'est comme on s'en fout parce qu'il y a personne qui sait que ça existe. Eux autres, leur affaire, c'est pas grave. Zone Campus, c'est ça, c'est super bon. Mais Delaware Check aussi, voici leur extrait Roman Coke au 89 FM. C'est fou. La radio campus.com de Boréal. Même si je suis différent. Rum and Coke de Delaware Chuck au 89 FM, cet assemblage requis. Il est 7h50. Et maintenant, François-Olivier, on va se dépêcher pour apprendre des affaires, parce que c'est ça l'affaire dans la vie, c'est que t'as pas tout le temps d'apprendre, tu sais. T'as pas tout le temps d'apprendre. T'as pas tout le temps de ta vie. T'as toute ta vie pour attendre. Oui, t'as tout le temps d'apprendre. T'apprends tout le temps. C'est vrai. Fait que pourquoi on fait les chroniques d'ailleurs? C'est pour. Bon, on l'a fait pareil. Ouais, c'est un fait. OK. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et on va s'apprendre quelques affaires bien rapidement comme ça. Commençons avec ce fait-là. Selon Amazon.com, OK, Amazon.com, le site d'achat en ligne, devine les livres Kindle les plus surlignés de tous les temps. C'est surligné, là. Sur un Kindle, tu as une fonction pour surligner des... Okay. Des c'est pas, j'en ai pas un. T'en as pas, mais imagine-toi les livres les plus surlignés. Oh. Le plus évident. Vas-y too much, là, c'est sûr. Dictionnaire? Non. La Bible. La Bible. Oh. La Bible. Et la biographie de Steve Jobs. Ce sont les deux livres les plus surlignés de Kindle. Selon le LA Times, on a inventé, on dirait, un nouveau mot. Ça s'appelle, c'est la nomophobie. Nomophobie. Qu'est-ce que ça veut dire? OK, t'as peur de nomo. Nomo. T'as peur de nomo, là. Tu sais, le Nomar Garcia Parra, là. C'est un joueur de... Mais c'est bon, ça? Je sais pas, ouais, je pense, ouais. Non, pas, c'est, quoi? C'est la peur de vivre sans ton téléphone cellulaire. Oh, oui, on c'est la no-mobile phobia. No mobile. Oh, ouais. Et ça n'arrête pas de monter, c'est la nomophobie. Eh bien, hein? Eh ben. Au Royaume-Uni seulement, Cadbury vend 200 millions de petits œufs à la crème de Pâques. Tu sais, les petits œufs à la crème. Cadbury, 200 millions? 200 millions, c'est-à-dire plus de 3 par personne qui vit au Royaume-Uni. Et t'as pas quoi? C'est incroyable, hein? Génial. Ah ouais, ça en a fait beaucoup. Jusqu'en 1957, la BBC allait arrêter de diffuser entre 18h et 19h. Pourquoi? Je sais pas. Pour pouvoir mettre les enfants au lit. Ils aidaient les parents à mettre leurs enfants au lit entre 18h et 19h. Ah, ouais. Ouais. C'est bien. Hein? Yeah boy. Eh ben. Le lait des flamants roses. Qu'est-ce qu'il a de spécial, le lait des flamants roses? Je sais pas. Je savais même pas que ça faisait du lait. Ben, apparemment. Non, il est rouge. OK. Et il peut être produit par les deux parents. OK. Flamant rose. Et c'est bon? Ou femelle. Ah, ben là, ça se boit? Ah, ben peut-être, je sais pas. Ah, c'est l'histoire du pot. Que de bonnes questions de ta part. Selon une étude par la plus grande compagnie d'assurance automobile du pays aux États-Unis, la plupart des accidents arrivent quand? Le soir, non? Non. En après-midi. Le vendredi, entre 15h et 18h. Si tu veux avoir un accident, c'est le vendredi entre 15h et 18h. Et beaucoup plus de femmes. Ah, là, par contre, là... Non, commence pas, là. Parce que là, si tu commences avec le saucisse, puis tu vas finir avec le rachiche. Les mesures de Barbie. Barbie, c'était en taille réelle. Ouais. C'est son... ses mesures. Ouais, c'est mensuration. 36, 24, 36. 39, 29, 33. Oh! 39, 23. 29. 29? 33. 30? OK. 39, 29, 33. Irréaliste, peut-être? C'est pour, je connais pas une mensuration. Non, c'est ça, t'avais l'air de connaître une mensuration tantôt quand je t'ai demandé, mais bon. Non, mais tu sais, c'est comme la taille parfaite. C'est là, quoi? Que, ben, 36, 24, 36, c'était c'est ça? Bon. Non, ah, c'est pas. Non. Parce que, me semble. Eh ben. Un Américain sur 350 000 va se faire électrocuter au moins une fois dans sa vie. OK. Un sur 350 000. Ouais. Électrocuter, pas juste payer des chèques sur la console depuis ce matin. Non, mourir. Depuis que j'ai enlevé ma veste, j'en ai plus. Hein. Fait que, y a quelque chose qui marche pas dans ma veste. Mmh. Yeah. Tes cheveux, peut-être, non? Mais... C'est beau. Peut-être. Mais c'est beau. Peut-être, je sais pas du tout. Allons-y avec celui-ci maintenant. Tu vas faire le tour de l'Équateur 3 fois dans ta vie. En marchant? En marchant. Mmh. C'est beaucoup, hein? Sauf donc... toi, peut-être. ça reste à voir. Là, mais... Très bien placé. Les gens marchent environ pendant 70 000 milles. Dans leur vie, ce qui fait donc 3 fois le tour de l'Équateur. On dit qu'il y a plusieurs bénéfices, des avantages à marcher. Donc, réduire le risque des attaques cardiaques et réduction du diabète, des possibilités de diabète aussi, si tu marches beaucoup. Eh bien. Fait que moi, diabète, c'est ça que tu veux dire? Je vais avoir un diabète. Non, j'ai rien dit de ça. Mais non, juste dit que tu marchais pas beaucoup. Ouais, ouais. C'est vrai. T'as raison. Ben, en fait, je sais pas, tu sais. Dans ma vie tous les jours, peut-être. Ben, peut-être. Je t'en parle juste pas. C'est ça. Ouais. Quel est le pays qui a la population la plus fat sur la planète? La plus grosse population? Non. Justement, c'est un mythe. La majorité des gens auraient automatiquement dit que c'est les États-Unis, mais non! En fait, il est en 9e place. C'est ce qu'on entend, me semble. C'est ce qu'on entend, mais c'est pas vrai. 74,1% des gens aux États-Unis sont obèses. Le numéro 1, c'est le pays du NARAU. N-A-R-A-U. avec 94,5% de sa population qui est obèse. Les scientifiques attribuent ça aux mauvaises habitudes alimentaires, évidemment. C'est où ça? Naro? Je sais même pas. Naro? Je connais pas. N-A-R-A-U. C'est dans l'Est? Non, je sais pas. Je pensais que c'était dans l'Est de l'Europe, mais je suis pas sûr. Non. Une île dans le Pacifique Sud. Ouais. Ouais. C'est super. La vedette de la pop, Kesha. Kesha, tu connais Kesha? C'est elle qui chante les chansons de moi, ce que j'appelle du crap pop. Du TikTok puis Your Love Is My Drug. Là. Bref. Ah, ça, c'est bon. Ouais, c'est tellement bon. Donc, évidemment, elle est très célèbre, mais elle n'est plus que ce qu'on le croit. Là. Kesha a apparemment un score de 1500. Elle a eu un score de 1500 sur ses SATs, le test d'aptitude collégiale, le truc d'entrée au collège. Là. OK. Bon. Et puis, un quotient intellectuel de 140. Oh, au-dessus de 140, ce qui la met dans la catégorie ou près de la catégorie de génie. C'est quelque chose. Ouais. Elle a réussi à. C'est pas parce que c'est intelligent que t'as pas de goût, tu sais, que t'as du goût, c'est ça? Mm-hmm. Le GPA, est-ce que tu te rappelles c'est quoi le GPA? Tu sais, je crois que c'est à l'université, Grade Point Average, la moyenne de ton... C'est comme ta cotère. C'est comme ta cotère un peu, donc voilà. Steve Jobs, son GPA était de 2,65 sur 4. Est-ce que ça a du sens, ça, de dire ça? Est-ce que c'est vraiment comme la cotère si on dit sur 4? Ouais, c'est ça. Mais c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais justement, c'est ça. C'est qu'il s'est jamais considéré un bon étudiant. Et en fait, c'est une des personnes qui a lâché le collège complètement et qui a eu le plus de succès par après. OK. Parce que ça, c'est pas très bon. Non. Il disait qu'il aimait pas l'école, il aimait pas la structure des écoles. Donc, les informations, ça vient de la même place. Tu sais, le FBI qui avait enquêté sur Steve Jobs, on en parlait dans CNX récemment, hein, qui avait pris de la drogue. Là. Et bien, c'est aussi le FBI qui a révélé son... Ça va être le FBI, il l'aime pas. On dirait que non. Tous les labyrinthes peuvent être résolus. Mm-hmm. C'est quoi le mot? Je sais plus. Ils peuvent être résolus. J'ai de la misère avec mes mots matin, ça n'a pas l'air. Mais bref, avec une seule et simple règle, c'est de mettre sa main droite à l'entrée du labyrinthe et de suivre le mur qui est à la droite. Tout le temps? Tout le temps. Parce que si tu pars au milieu, tu vas peut-être finir sur un mur, un island wall, genre un mur qui est tout seul à l'intérieur du labyrinthe et qui ne mène pas nulle part. Alors que si tu suis le mur à partir de l'entrée, tu vas tout le temps te rendre jusqu'à la fin. Hein? En tout cas, la plupart du temps. La plupart du temps. Je crois. Non, mais ça a du sens quand même. Ouais. Normalement. Ça dit normalement, tu vas pouvoir le suivre jusqu'à la fin. J'aime ça. Très bien. Sais-tu que la langue d'une baleine bleue pèse plus qu'un éléphant? Oui, la baleine bleue moyenne mesure environ 100 pieds de longueur et peut peser jusqu'à 150 tonnes. C'est le plus grand animal du monde. Dans le fond, c'est tellement gros qu'on pourrait mettre une équipe de football au complet dans sa bouche. Et son cœur fait peut-être presque la grosseur d'une voiture. Eh ben. Et même si l'éléphant est l'animal terrestre le plus gros au monde, il pèse en moyenne 7000 livres. C'est même pas proche d'être la grosseur de la langue de la baleine bleue. Eh bien. Et petit dernier, le livre des records Guinness a un record lui-même. C'est ça? Ironique un peu. Mais c'est la série de livres la plus vendue au monde, c'est ça. Donc le Guinness Book of Records a commencé en 1951, fondé par Sir Hugh Beaver, hein, de Guinness Breweries en Irlande. Donc les Guinness Breweries, là, c'est les brasseurs de bière Guinness, là, donc ça vient de la même place. Okay. Il a commencé à compiler des faits. Il a eu cette idée-là à un moment donné de partir un livre et ça a pris 50 ans environ avant qu'il ait son propre record pour ce livre-là. Oh boy. Voilà. C'est d'accord, c'est un fait. Merci Mathieu. Ouais, ben ça me fait plaisir, François-Olivier Marchand, je te dirais. Alors, ça va être la fin de la première heure. On va se retrouver tantôt avec Xavier Antoard et sa chronique Tais-toi et cuisine. On a très très hâte de le recevoir, ce petit Xavier-là. Il était pas là la semaine passée. Oui. Ouais, Saint-Valentin en plus. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, je sais pas en fait ce qu'il nous amène ce matin. Hein? Est-ce que tu sais, toi? Non, moi non plus, je sais pas. Donc, mystère. Ça va être tantôt. On a... Reste avec nous. Reste là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89. Oh. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce lundi 20 février 2012. Lui, c'est François Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Mathieu Plante, d'ailleurs, qui est servi comme un roi. Hein? Tout à fait. N'a même pas à demander rien, reçoit, apprêté d'une manière exquise. Parce que vous aviez. Mais oui, il est là. Moi, j'ai rien. Moi, j'ai rien. Mais parce que j'ai un petit peu, je suis en train de te le préparer. T'as pas le choix cette semaine de ton thé, hein? C'est celui qui te donne. Ben aujourd'hui, j'en ai juste deux pour la dégustation, donc je vous en parle d'ici quelques secondes. Parfait, on y va avec l'intro? On y va avec l'intro. C'est Tétois et Cuisine. Hop. Oups. Non, on recommence, on va faire ça comme il faut, OK? Je peux pas partir ça, faut crier tout et ensemble, OK? On y va? 1, 2, 3, hey! Salut Xavier! Bon matin les garçons! Bon matin! Comment ça va? Ben, ça va bien, ça va mieux. Tu nous as manqué la semaine dernière! C'est vrai. Oui, j'ai entendu ça, je vous ai manqué. Oh. Parce que, en fait, on a essayé de faire nos fins connaisseurs de thé, mais. On lisait ton texte et. Échec! Ouais. Échec! Non, c'était pas un échec, vous êtes très bien sorti. Non, mais t'es trop gentil, là. Non, mais honnêtement, j'ai écouté ça, je suis comme. Oh, information pertinente, c'est très bien expliqué. Ben oui, c'est sûr. On a aimé ça! Surtout que toi, t'aurais pu parler de baiser brûlant, je te l'avais fait goûter aussi la semaine d'avant. En plus. Je l'ai acheté, je suis retourné en acheter chez David City tellement j'ai aimé ça. Ça, c'est à cannelle. Oui, c'est long. Avec cannelle et chili à l'intérieur. J'adore, ça goûte, là, ça, c'est intense. Pas trop souvent, mais intense. Vraiment. Ah oui, j'aime ça. Donc, je me suis permis de cuisiner un petit peu. Je me suis réveillé un petit peu plus tôt aujourd'hui, justement, pour faire cuire certaines petites choses. Je pense que je vous en avais parlé, que j'allais faire quelques tests, en fin de compte. Cuisiner avec ce que je vous avais ramené une fois, la nouvelle collection des ayurvédiques. Avec Calcutta, curcuma, tu sais, les trucs qui sentent la pizza. Ah, ouais. Je m'en rappelle de ça. Ouais. Mais là, qu'est-ce qu'on boit en fait ce matin? Ben, dans le fond, c'est pour faire un petit accord avec la viande que je vous ai rapportée à matin. Ah, c'est de la viande que tu nous apportes là? Oui, c'est de la viande. Non, pas dans le verre, comme ce qui est là. Pas dans le verre. Ah oui, c'est de la viande liquide. C'est de la viande liquide. En fin de compte, c'est juste de la viande comme légèrement salée, poivrée, d'un seul côté, parce que j'aime pas ça quand c'est trop salé, poivré. T'aimes pas quand c'est trop salé? Trop salé, poivré, j'aime pas ça. C'est comme ça tape sur le cœur, c'est comme trop, et ça goûte pas assez. Et bref, c'est comme bizarre. Puis, c'est ça, c'est comme si le sel et le poivre essayaient de masquer tout, alors que là, j'ai mis seulement d'un seul côté. J'ai mis directement du New Delice dessus. New Delice, qui est le mélange de cumin, coriandre et de fenouil. Donc, ça sentait vraiment bon un matin dans mon appartement. J'ai quitté la porte, je comprends, ça sent si bon. Donc ça, c'est un moyen justement de préparer quelque chose vraiment à l'avance. Plus vous allez le préparer à l'avance, plus ça goûtera. Parce que dans le fond, moi, je l'ai préparé hier soir. J'ai salé, poivré, j'ai rajouté la dose de New Delice par-dessus. Je l'ai mis directement au réfrigérateur. Puis un matin, je l'ai cuit. D'accord. Je sais pas si vous avez le goût d'y goûter right now. Vous allez attendre un petit peu. Ah, François, il y a de la misère avec les affaires qui sont pas très déjeunées. Hein. Non, mais je sais pas. De la viande, ces trucs-là, le matin, on dirait que je suis... Quand tu manges pas de bacon le matin? Ça dépend. Je t'avoue que c'est quand même rare. Je mange pas... c'est beau. Hein. En fait, la fin de semaine, des fois, quand ça donne, je peux juste le sentir. Ça va peut-être m'ouvrir ou ça va me fermer. C'est bon, les deux. Ça sent quand même indien. Ouais, ça sent... Qu'est-ce que... Oh, je pense qu'il détecte quelque chose. S'il me dit que ça sent la pizza, je le tue. Non, ça sent pas la pizza. Running gag. Ça sent un peu le poisson, non? Non. Non? C'est pas du poisson. Je pense que t'avais trop envie de manger du saumon à matin. Ouais, je sais pas, hein, on dirait que je me suis levé avec ça. Attends, non? Non, je sens pas le poisson du tout. Je sais pas qu'est-ce que ça sent. Moi aussi, je trouve que ça sent quelque chose, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ouais. Dans le fond, c'est probablement le mélange d'épices qui fait que vous avez peut-être l'habitude de sentir vraiment plus du poisson épicé à ça. Ah, ok. Peut-être que vous faites des raccourcis cognitifs. Bah, d'après moi, c'est ça, hein. Ça se peut très bien. C'est le cerveau qui joue des tours. Ouais. C'est ça. Donc, un léger morceau de porc dans le fond, légèrement salé, poivré sur le dessus, avec du New Delice. Vous avez le droit d'accentuer ça en rajoutant un petit peu de curcuma par-dessus, si vous voulez vraiment accentuer les sensations. En accord avec ça, je vous ai quand même ramené deux thés qu'on appelle des thés straight. des thés traditionnels sans arôme. Okay. C'est ça, là, parce que lui, le matin, il la trouve plate. Là. Bon. Ben oui, c'est un thé houlant. C'est un thé houlant que je t'ai servi, c'est celui-là. Okay. C'est le thé Kuan Yin. C'est vraiment un houlang traditionnel, un des plus répandus. Ça a comme moins de saveur, peut-être. Non, c'est quoi? C'est plus naturel? Naturel dans quel sens? Dans le sens, ça va pas goûter les fruits, blablabla. Ben, ça, ça goûte, mettons, peut-être, il pense que ça va goûter un peu comme une poche de thé vert, tu sais, genre normal, puis que ça goûte à rien. Genre, toi, par contre, t'es un thé vert, Mathieu. Moi, j'ai un thé vert, ok. Oui, t'es un thé vert. Un grand traditionnel, donc tu vas même pouvoir enlever ta poche dans pas long. Hein? Hey, peux-tu laisser ma poche le temps que je veux? Non, on laisse pas sa poche dans les milieux chauds et humides. Ok, je l'enlève à l'instant d'abord. Puis c'est ça, parce que Mathieu, tu as vraiment un grand traditionnel, c'est le Gyokuro Yamashiro. Il fait partie de la queue bah, dans le fond, des plus dispendieux de. Non, c'est le plus dispendieux qu'on a en magasin. Oh, ouais, mais c'est des coups de luxe, hein? Donc, gâté. Donc, c'est. Dans le fond, t'es. Et quand tu parles de plus dispendieux, ça vaut combien, ça? Pour le 100 grammes, c'est 44$. Comme pardon? Dans cette boîte-là. Ok, ça, c'est un 100 grammes. Et t'as l'air de 44$. Celui que tu as, le tien, le Thé Kuan Yin, il est à 18$ le 100 grammes. Mais 100 grammes, moi, je voulais plus me référer à une. À la canne. Mais dans le fond, toi, un 100 grammes, ça arrive comme environ aux 3 quarts ici. Ok, parce qu'il est plus pesé. C'est ça. Parce que dans le fond, le tien, j'ai quand même utilisé plusieurs fois déjà. Alors que le Gyokuro Yamashiro, un 100 grammes. Ça arrive vraiment moitié de la boîte. C'est un thé vert, donc il est quand même assez dense. Okay. Je peux visualiser. Ça ressemble un petit peu. Ça a peut-être la grosseur un petit peu plus gros qu'une canette de liqueur, un petit peu plus gros. Que ça, genre. Visualiser à la maison. Là. Ouais, un petit peu que ouais. Ouais c'est ça. Plus gros. Lui, c'est le thé à Mathieu Plante. Oui. mais Mathieu Plante. C'est pas Mathieu, c'est Mathieu Plante. C'est Mathieu Plante. On est vraiment très proche. Mais pourquoi lui, c'est marqué 26 grammes? Ah, ok, t'en as juste mis 26 grammes dedans. Ben, parce que à la base, j'avais pris la première fois que j'en avais acheté, j'avais juste pris un 26 grammes. Mais après, j'en ai racheté. Mais dans le fond, j'ai juste pas changé l'étiquette sur le dessus. Ok. Parce qu'après ça, c'est ça, on peut carrément se pointer chez David City avec nos. Exactement, il y a des rabais de 50 sous à chaque fois qu'on vient avec la boîte. Ben oui, donc, ben oui, c'est cool. Si moindrement, la première fois qu'on vient, on prend pas un 100 grammes. Mais on prend la boîte, c'est 2,50. Mais au bout de 5, à chaque fois qu'on revient 5 fois, on a comme rentabilisé déjà le coût de la boîte. Ouais. Et ça, c'est ça, comme tu dis, on peut en acheter 2,50, mais ça vient pas avec. Mettons, je peux en acheter simplement pas d'étiquette pour mettre ton propreté dedans. C'est ça, parce que dans le fond, quoi, les boîtes épices, à la base viennent toutes seules sans étiquette sur le dessus. Okay. Soit dit en passant, on devrait recevoir normalement cette semaine des toutes nouvelles boîtes colorées. Oh. On aura des boîtes blanches, vertes, bleues, noires. Pour chacun de vos styles de thé, mettons. Exactement. Ben oui. Ça, c'est de la primeur, ça. Donc, là, pour l'instant, il colle un petit collant puère dessus. Après, ça va être la canne qui va être c'est pour ça. Verte. Moi, c'est pour ça que je pense que dans. Pas long, je vais avoir comme 8 étagères chez moi. Divisé en sous-sections et avec le code. Dans le fond, ce que je risque de faire, c'est de mettre vraiment comme une canne de couleur en plein centre avec mon thé préféré dans la gamme. Ouais. Et après, séparer comme à gauche les traditionnels, à droite les aromatisés, genre. D'accord. T'as un truc comme ça. C'est le code décimal de Dewey que je cherchais tantôt. À tes souhaits. Dewey. Donc, voilà. Mais c'est-tu quoi? Peut-être parce que je suis pas. Je suis pas un fervent amateur de thé. De thé traditionnel. Ben, c'est ça exactement. Je trouve que ça sent la ferme. Ça sent. Okay. Ça sent l'herbe. Hein? Ça sent l'herbe. Ça, oui, ça sent le foin. Oui. Ça sent. Ben, encore plus pour le thé houlong. Pour le thé vert, je te dirais, ça va vraiment sentir le gazon fraîchement coupé. Un petit peu quand même. C'est vrai. Mais celui-là, en tout cas, ça sent le gazon. Je paierais peut-être pas 44$ le 100 grammes, comme tu disais, mais c'est un très bon thé vert. Comme thé vert, ça se boit extrêmement bien. Ben dans le fond. C'est sûr. Moi, je pense que je suis pas amateur de thé vert. Du moins, pas pour l'instant. Ma copine l'est, je pourrais lui conseiller, mais je dirais, achète pas celle-là parce que c'est trop cher. Je te dirais qu'on a quand même des versions un petit peu moins dispendieuses, bon, à 40$ le 100 grammes. Oh. Mais on a aussi d'autres thés dans le fond. Mais on a aussi des thés qui se rapprochent beaucoup au niveau des sensations en bouche d'un thé vert traditionnel japonais de haute qualité avec un caractère beaucoup plus accessible au niveau prix. Je pense que c'est Jack coréen, thé vert de Corée, ça porte bien son nom. Comment ça, c'est cher comme ça? Bah, dans le fond, c'est parce que généralement, celui-là, le thé vert, le Gyokuro, il est privé de lumière à 90% avant la récolte. Donc pendant deux semaines, on le prive beaucoup de lumière. Donc ça va, il va vraiment puiser comme tous les minéraux dans le sol, assécher le sol, photosynthèse amplifiée, donc une couleur beaucoup plus verte, plus d'antioxydants. Okay. Le Gyokuro Yamashiro, c'est pas deux semaines, c'est 7 semaines. Ok. C'est ça, c'est vraiment le traitement. Là. Exactement. Il n'y a vraiment aucun arrière-goût du tout. Ok. qui est bois, aucun arrière. C'est ça, c'est comme légère sensation de légumes vapeur et barbe pour celui-là, donc il est quand même légèrement crémeux en bouche. Oh. C'est pour ça aussi que je voulais quelque chose de quand même relativement doux, pas trop corsé, puisque dans le fond, ce que je vous avais préparé aujourd'hui, c'est quand même assez doux, je le trouve vraiment pas corsé. Donc c'est moi, j'avais pris comme un thé noir. Le thé noir aurait masqué totalement, sauf peut-être si j'avais pris comme un thé noir qui tend vers un houlang, comme c'était le cas avec le Darjeeling First Flush qu'on avait il fut un temps, ou le thé du voyageur himalayen. C'est des thés qui dépassent légèrement l'oxydation d'un houlang, donc on est obligé de les considérer comme un thé noir, mais ça se rapproche plus d'un houlang, ça s'approche. Ça s'approche. Mais effectivement, c'est pas corsé. Et j'ai pas ça. J'ai l'impression, quand je bois ça, là, j'ai l'impression que c'est bon pour ma santé. Peut-être parce que c'est peut-être pas le meilleur goût dans ma bouche. Mais. Hein? On est en train de convertir François au thé. Oh non. Tranquillement, vraiment pas vite. Non, mais certainement, en fait. Et puis. Mais j'aime bien avec. Tu sais, un peu de saveur. Un petit peu de fruits, un petit peu d'épices, blablabla. Pour revenir à la semaine dernière, quand j'étais pas là. T'es sûr que moi, tu vas revenir là-dessus? Tu veux corriger ce qu'on a dit ou quoi? Non, je ne vais pas corriger, mais. Nous autres, là. Bah, dans le fond, François avait posé une petite question concernant la tasse de voyage de David. Mmh? Je ne sais plus exactement c'était en quoi. En disant qu'elle n'était pas hermétique, c'est ça? Qu'elle était moins hermétique. C'est ça. Bah, dans le fond, oui, la tasse est un peu moins hermétique, dans le fond, parce qu'il n'y a rien qui se visse sur le dessus, c'est juste le couvercle qui est enfoncé. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis que niveau herméticité. Ça, c'est du pain. Herméticité, là. Ouais. Hermécologie. Bref, pour le caractère hermétique, c'est vrai que la Timolino est vraiment impeccable à ce niveau-là. La tasse de voyage de David, c'est vraiment, si on n'a pas vraiment beaucoup besoin de bouger, donc si on reste. Bah, c'est pour le porte-gobelet. C'est ça. C'est ça, exactement. Il s'insère très bien à l'intérieur. Je sais de quoi je parle. Je l'ai trimballé. Je ne sais combien de fois sur les routes. Mais je me rappelle maintenant, c'était quoi la question? Tu disais que justement, c'était dans le fond et ça continue à infuser. Oui, tu as raison. Mais dans le fond, l'eau remonte très rarement à la surface. Généralement, l'eau va vraiment comme rester dans les feuilles de thé. Donc, ça va être très, très rare que l'eau va remonter au-dessus. Donc oui, quand tu vas rajouter de l'eau, c'est normal que ça va goûter un petit peu plus fort au début, mais juste comme quand tu fais dans les tasses de voyage comme ça, de laisser infuser un petit peu moins une fois que tu rajoutes de l'eau, parce que tu as déjà une petite quantité concentrée dans le fond. Mais c'est vrai. Ouais, mais je pense que le comprendre. Dans le fond, quand tu fais infuser ton thé, ouais, tu le presses, ouais, il va rester un petit peu d'eau dans le fond. Donc c'est moins de moi, tu mais vas faire... dans le fond, c'est sûr qu'il va en rester dans le sens où tu l'as pas bu, là. Ben non, c'est, ben, parce que dans le fond... Parce qu'il y a un genre de double fond où tu mets ton thé en dessous puis le ah non, spot, par rapport. Non, par rapport. Non, en dedans, quand, là, quand avec tu le presses, ouais. OK. Ouais, tu mets ton thé, tu mets ça le tient dans le fond et là, tu rajoutes ton eau, c'est ça? Ben dans le fond, tu remontes le filtre et quand tu rajoutes de l'eau, là, juste à le faire infuser un petit peu moins. Parce que dans le fond, quand tu auras pressé, il va rester un petit peu d'eau dans le fond. Je suis vraiment en cave parce que je pensais qu'il fallait mettre le thé, en fait, dans le bas et puis le squeezer là. Non. Mais c'est pour ça. Tu ouvres, t'as raison. Tu ouvres ta tasse, tu mets le thé. C'est comme les cafetières bottom. Ah, c'est exactement la même chose. Oui. Et justement, même à la maison, les bottom, c'est une des meilleures manières qu'on pourrait avoir pour préparer un thé puisque le thé a tout l'espace pour infuser. Ouais. C'est un petit caractère que j'aime un petit peu moins, ouais, justement, de la Timolino qui a son infuseur vraiment avec la taille bien définie, alors que dans la tasse de voyage de David, c'est quelque chose qu'on peut éviter aussi. Sinon, on peut mettre directement le thé à l'intérieur. Mais t'as ça raison. Dérange pas. T'as raison. Puis en fait, tu retires le thé en retirant le. Quoi, le piston? Ouais. Non. Mais sinon, il reste squeezé en bas. Ouais, mais justement, il est pressé dans le bas, donc les feuilles de thé sont coincées, l'eau passe beaucoup moins, donc arrête d'infuser. Oh. C'est pour ça que plus un infuseur est petit, moins il est bon. Ah, ok. Parce que si moindrement, l'eau ne peut pas se faufiler entre les feuilles, les feuilles ne peuvent pas comme faire la fiesta dans l'eau. Bon, là, j'ai compris. Fallait juste poser les questions. Ouais, c'est ça, exactement. Oui. Donc, c'est ça, le double fond. Dans le socle où on a la petite quantité de réserve, la petite boîte à l'intérieur peut se décrocher, donc au final on peut se retrouver avec 9 doses de thé de réserve tout au long de la journée, 4 dans la petite boîte et 5 dans le socle en tant que tel. Est-ce que tu te rends jusqu'à 9 thés par jour? Ça se peut. Ça m'est déjà arrivé. Ah, moi 2 max, hein. faudrait qu'on s'y mette à plus souvent. Hein. Ben oui. Faudrait qu'on se mette plus souvent. Ben d'après toi, pourquoi je vous ai offert une tasse de voyage et une tasse de bureau? Mais c'est ça. T'as joli Space Invader en plus. Tu vois, hey, j'en parlais à François tantôt. J'ai été m'acheter. Je suis allé m'acheter une tasse parce que j'avais amené la Space Invaders que tu m'avais donnée à la maison puis je m'en servais à tous les soirs depuis. Okay? Mais depuis ce temps-là, en fait, je suis allé m'acheter la tasse transparente. Okay? La tasse en verre? Oui, c'est ça. Donc, je l'ai laissé à la maison et j'ai ramené Space Invaders au travail. Donc maintenant, quand je soupe, je peux regarder monter se faire et au travail, j'ai ma Space Invaders, jeu vidéo, je capote. Tu sais, c'est bon. On aime ça, on aime ça. Ouais. Mais ça, c'est pas mal ça. Puis je vous dirais que... petit crochet sport en transition avec Nicolas Ducharme parce que je vous ai entendu parler aussi dans cheerleading. Je vois pas ce que tu parles. Oui, mais exactement ça. Donc avec le bel article qui a été proposé dans le Zone Campus. Ouais, c'est ça. Vous êtes le premier article de la section sport, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes en couverture? Oui, on est en couverture aussi. Ouais. Mais t'es pas là, toi? Non, je suis pas dans l'équipe. Toi, ben en fait, c'est ça, t'es comme entraîneur, non? Mais dans le fond, j'assiste les entraîneurs. Okay. C'est que dans le fond, je suis comme tellement présent que dans le fond, je fais pas partie de l'équipe, donc j'ai quand même un point de vue extérieur. Donc, j'assiste un petit peu les coachs là-dedans. Donc, si moi, il y a des choses que je vois que les coachs n'ont pas vues, je fais comme, ben, là, j'ai remarqué ça, valide pour voir. Puis on continue comme ça. Et c'est quoi? C'est les entraîneurs qui... bon, là, on change complètement de sujet. Là, mais c'est les entraîneurs qui décident la chorégraphie? Oui, c'est toujours les entraîneurs qui montent les routines avec l'ordre des pyramides, des stunts, de la danse, les sauts. L'enchaînement de sauts, c'est quoi? Parce que dans le fond, d'un autre niveau, ça prend un minimum de 3 sauts pour vraiment être dans le niveau. Mais sinon, c'est pas mal. Ça, pourquoi vous en faites pas plus? C'est très dur physiquement. De quoi? Des sauts. Ben, nous, par exemple, on fait, on enchaîne quasiment, dans le fond, c'est comme 4 sauts avec un gymnastique à l'arrêt. Donc, on fait comme 3 toe touch. Donc, saut, jambes écart dans le fond, ici directement. Donc là, on ne voit pas, mais... Il fait le grand triangle avec ses bras. Dans le fond, c'est comme jambes en avant, dans le fond, avec quasiment les mains qui vont toucher au pied. Ah, je serais-tu pas bon à ça, moi? Ça s'entraîne, ça s'entraîne. Moi aussi, j'étais pourri quand j'ai commencé. Il semblerait que j'ai des très beaux sauts maintenant. Ah ouais? Ouais. Est-ce que tu penses que Mathieu Plante pourrait faire des sauts? Ben, tout le monde peut faire des sauts. Ouais. Avec les jambes de même? Tu pourrais faire le saut. Non, mais honnêtement, j'ai découvert aussi dernièrement le saut étoile. Mais le saut étoile, c'est un petit peu comme le toe-touch, genre celui qu'on fait en compétition. C'est comme le fondu en étoile. Le saut étoile, c'est... Dans le fond, le saut étoile, c'est juste que au lieu d'atterrir comme ici avec les deux bras et les jambes parallèles, parallèles au sol. Ok, t'atterris comme ça, les gens t'attrapent comme ça. Non. Ouais. Quand tu arrives, quand tu sautes, tu es comme ça dans les airs avec les jambes parallèles au sol. Mais le saut étoile, tu as les mains en haut et tu as les pieds en bas dans le fond. Ah, et tu fais une étoile avec ton corps. Ok. Donc c'est ta tête est une des branches. C'est ça. Okay. Ah, ben j'aime ça. Donc ça, c'est le saut étoile. C'est généralement les sauts qui sont utilisés pour aller au niveau 1, niveau 2. C'est un saut qui est plus facile. C'est ça. Ben, c'est vraiment les sauts de débutants. Et nous, on a des sauts élites. Donc avec toe touch, pike, front hurdler. Oh là, ça me dirait du tout. Front hurdler. Touch, take long. Donc le toe touch, donc on touche les orteils. Le pike, dans le fond, où on doit venir comme... Vraiment... Remonter les pipes? Non, pike avec un K. Donc, dans le fond, où tu dois vraiment fouetter tes jambes pour avoir les jambes collées. Le plus haut possible. Exactement, le plus haut possible. Idéalement, parallèle au sol, avec le corps aussi parallèle, vraiment pour comme faire l'huître directement par rapport au sol. Ah. Genre, imagine, tu es allongé les jambes en avant et que tu vas chercher toucher tes orteils. Ouais, je suis pas bien bon, moi, aussi. Ben, imagine. Et puis, c'est ça, mais dans les airs. Ça fait mal. Mais dans les airs. OK. Ah, c'est ça, cool. On saute, puis on arrive comme ça. OK. Puis ça, nous, on fait quand même... T'es impressionnant, faudrait jamais voir ça. Mais oui, il faut quand même que notre François-Olivier Marchand National vienne nous voir. Allez vous encourager. Mais c'est oui. C'est quand on peut aller voir? C'est ce dimanche, dans le fond, à l'Académie Saint-Louis, Québec. Pour, dans le fond, c'est la deuxième compétition du circuit universitaire. La prochaine compétition, ça va être le 18 mars. Ça va être à Montréal, au complexe Pierre Charbonneau, si ma mémoire est bonne. Ici, à Trois-Rivières, est-ce qu'il y en a? À Trois-Rivières, cette année, on n'a pas de compétition du réseau sport étudiant universitaire qui passe par Trois-Rivières. Okay. L'an dernier, on l'avait eu, mais pas cette année. Okay. J'imagine que secondaire... Il y en a eu une début février, niveau secondaire collégial. Le calibre est quand même bon. Tu parles de quoi? Secondaire collégial. De ce que j'ai vu, on a quand même un bon niveau. On aurait pu avoir moins bon niveau, mais on pourrait aussi avoir meilleur niveau. C'est vrai que... À cause du bassin de population, c'est vrai qu'à Montréal, ils sont beaucoup plus choyés au niveau de ça. Il y a beaucoup plus d'équipes, il y a beaucoup plus d'infrastructures aussi pour ça. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, il manque des petites choses. Voilà. Merci. Xavier. C'était la chronique Tais-toi, cuisine, transition sport. C'est ça, transition sport. C'est du cheerleading comme dans Xavier Antoine. Oh, c'est si beau. Oui. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, lundi 8h. Oui. Tais-toi, cuisine. On aime ça. On a hâte de goûter, nous, notre truc, mais ouais, comme... Je vous le laisse. Tu voulais-tu goûter là? Pas là, je pense pas. Pas là. Moi aussi, je sais pas, là. Ben, c'est toi qui... Non, vous allez manger ça, vous allez le réchauffer. Je vais pas faire de dégâts non plus en studio, tu sais. Ouais, c'est ça. À midi, ça va être... Ouais. Bon. Merci, Xavier. Ça fait plaisir. Et... Est-ce que vous voulez que je vous laisse une petite quantité pour le déguster pendant quantité? Votre... Quantité de petit. Ça va bien finir sur un jeu de mots. Ah. Oui, laisse-nous les quantités de désirés. Okay. T'es bien fin. T'es trop fin, en fait. Non, pas encore assez. Bon. En tout cas. Encore des jeux de mots poches. Prochaine fois, on parlera de diète, de façon de boire du thé pour perdre du poids. Hein? C'est existe ça? Je sais pas. Bien, celui que t'es en train de boire, c'est en train d'accélérer ton métabolisme. Ah ouais, pour vrai? Tu vas brûler les graisses que tu n'as pas. Il peut pas vraiment s'en permettre. Ouais, mais non, c'est ça. Avoir su qu'il ne l'aurait pas bu. On va partir au vent, ce François-Olivier là. Colin. On prend une petite pause. On vient tantôt avec la chronique sport de Xavier Antoine. C'est du charme et du sport. On va avoir du plaisir. On va parler de plein de choses. De quoi est-ce que tu parles? Tu penses qu'on va parler des Patriotes, entre autres? Hein, oui, on va parler des Patriotes. OK, ouais, c'est ça, exactement. C'est qui? Non, je sais pas. T'as-tu trompé de nom? Ouais. Ouais, hein? C'est qui j'ai dit? T'as dit, on va parler de sport avec Xavier Antoine. C'est ça? Ouais. Ah, yeah, mais j'étais pas sûr. J'étais pas certain. Mais... C'est pour ça que François et moi, on s'est regardé genre comme. Ouais. Ah. Colin, ça va. Non, c'est Nicolas Ducharme. Nicolas Ducharme. Journaliste de l'Écho de Trois-Rivières. Ouais. Il va nous parler de sport. Ah. On écoute Dr. Doug, that old black hole. Ça, c'est fou. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de Sifu, vous écoutez Assemblage requis et vous aimez ça. Oui, toujours Assemblage requis avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. On écoute une pièce de Galaxy, Shanghai. Et puis après ça, c'est la chronique de sport avec Nicolas Duchamp. Nicolas Duchamp. C'est Nicolas Duchamp. Le soleil se lève sur Montréal, se couche sur Shanghai. C'est le début de qui? Nous, on a fait de quoi? J'aime bien mourir un peu à tous les jours. J'aime bien mourir un peu quand je suis avec toi. Le temps est plus court que le dernier verre qu'on a bu. Le temps est plus court que le dernier verre qu'on a bu. Le lac est gelé de part en part, fait 25 dehors. C'est l'hiver qui agonise ou l'été qui s'enivre. J'ai jamais su comment te dire pourquoi. J'ai jamais su vraiment. Shanghai de Galaxy à Assemblage requis sur l'album Tigre et Diesel. Oui, il est 8h33 avec Faux et Mathieu. Faux party. Dans le studio, là. François Les Marchands, il est dans les bulles à tous les soirs. Puis... Dans les bulles. Un petit peu. On va parler de sport avec Nicolas Ducharme de l'Écho de Trois-Rivières. Salut Nicolas. Eh hey, bon matin monsieur. Comment ça va? Ah bien vous? T'étais pas là la semaine dernière. Eh hey, non, j'ai dû m'absenter, mes excuses. Je suis désolé. On s'est ennuyé. Ouais. Comment? On s'est ennuyé. Ah, merci. Ça va? C'est un compliment, ça, je pense. Ouais. Je vais le prendre comme un compliment. Le temps était long à remplir, non c'est pas. C'était juste. Ouais, non. Surtout que je t'ai averti tout le temps un peu à la dernière seconde non, avec ces choses-là. Tant non, que t'avertis. Bien correct. Tant que j'avertis. Ouais, avez-vous des assemblées qui vous avertissent parfois avec un délai inacceptable? Des assemblées, ça, c'est des chroniqueurs. Du nom, c'est ouais. Rare. La non. Plupart nous avertissent à l'avance, pas mal. Bon, ouais, ou non. Ou sinon, live c'est... pendant l'émission, mais au moins, tu sais, ils font pas attendre. Ouais? On en parlera d'autres. OK, ouais, on s'en reparlera. Il n'y a rien qui me vient à l'instant, mais bon. On n'aimera pas de nom, donc, on dirait. Nicolas, Sports Scene Time. Hey, on va parler ce matin des Patriots de l'UQTR qui... Ils ont eu chaud. Ils ont eu chaud. Ah, oh, c'était chaud. Ils ont eu chaud. Ils jouaient quoi la semaine dernière? Non. C'est les séries qui sont commencées du côté du hockey. Là, on parle de hockey, bien sûr, du côté des Patriots. Ça a débuté mercredi dernier. On affronte les Rams de Ryerson. Les Rams de Ryerson, bon, qui ne sont plus les Rams d'une certaine année où est-ce que si tu ne comptais pas 10 buts dans un match, c'était un mauvais match. Là. C'était une équipe qui a surpris tout le monde dans cette série-là. Les Patriots qui l'ont emporté. Les Patriots la, la voyaient pas venir. Hein. Personne ne la voyait venir. C'est quoi, ils ont gagné 9-3 Hier. Le premier match, c'est ça. Là. La série a commencé mercredi dernier du côté d'Ottawa. De Toronto plutôt. J'ai la forte impression que du côté des Pats, on a sous-estimé plutôt cette équipe-là parce qu'on s'est fait planter 9-2. Ça ne veut pas parler fort dans l'autobus en revenant. Non, c'était extrêmement silencieux à 9-2. Une bonne partie du blâme peut être mise sur les épaules de Guillaume Nadeau, le gardien de but, qui a très mal paru dans cette rencontre-là, qui a accordé 5 buts sur 21 lancés. On l'a remplacé par Vincent Lamontagne. Lui non plus, ça n'a pas été très fameux. Il a accordé 3 sur 7 lancés. On a ramené Nadeau en troisième qui en a accordé un. Bonne décision, je pense, du côté de Jacques Laporte d'avoir ramené Nadeau dans ce match-là parce que, bon, ça marche pas. Il y a rien qui marche. Peu importe les deux gardiens. Tu le renvoies, tu te gardes. Prépare-toi mentalement pour la troisième. Regarde ce qu'ils peuvent faire. Oublie ça, ce match-là. Oh, de toute façon, là, écoute, à 9-2... Là, il y en a accordé un dans la troisième, donc c'est un peu moins pire. 9-2, donc ça partait très mal. C'est probablement le pire départ en séries éliminatoires que les Patriots ont pu connaître, du moins dans les dernières années. Samedi. Et c'est arrivé aussi dans un drôle de timing, parce qu'on sait, en fait... Ouais, ben je vais vous en reparler tantôt de ça. Inquiète-toi pas, je vous garde ça pour la fin de la chronique des Patriots. Donc, samedi, les Pats qui recevaient Ryerson, match sans lendemain pour les Patriots. Ouais, c'est ça, il fallait qu'ils gagnent. Ils avaient absolument gagné. C'était un 2-3, donc ça va être extrêmement rapidement. Patriots qui l'ont emporté 7-5 là, au Colisée de Trois-Rivières. Encore une fois, Ryerson ont donné un gros match. 7-5, ça a été serré aussi. Nadeau encore très mal paru. Ouais. Accordé 5 buts? C'était le festival du rebond. Du rebond la bande? La rondelle touchait le gardien de but et elle se retrouvait partout sauf. Il la gardait pas, là. Il est incapable de garder. Il est incapable de conserver les retours de lancer. Donc, c'était gros, très, très gros problème. Voyez-vous, là, Ryerson, là, qui menait 2-1 après la première. Finalement, à tous les fois, les Patriots réussissaient à marquer un filet. On revenait du côté de Ryerson, ce qui faisait qu'on n'arrivait pas à construire un momentum, à vraiment établir quelque chose, puis peut-être s'asseoir sur le jeu en défensive, puis arriver avec une défensive plus solide, parce que on n'était pas capable on jouait sur les talons du côté des Patriots. Je pense qu'on craignait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les défenseurs avaient un peu peur, voir ton gardien de but qui est vraiment pas solide comme ça, deux matchs de suite. Je pense que les gars ont eu très peur. Je te dirais que, bon, du côté de Nadeau aussi, le doute est installé. Donc, La confiance, là. Ben, c'est un gardien recru, hein, Guillaume. Il y en a quand même beaucoup sur ses épaules après la rencontre de Jacques Laporte qui l'a défendu en disant, gars, ce qu'il vit, c'est pas fameux, mais je pense que ce qu'il traverse présentement va lui servir beaucoup à maturité pour les prochaines séries. Jacques Laporte qui était quand même confiant. Donc, victoire des Patriots 7-5 samedi, un but en filet désert. Donc, c'était 6-5 jusqu'à la toute fin du match. Là. Vraiment, c'était pas très facile. Et hier soir, 19h plutôt, au Colisée de Trois-Rivières, les Patriots, le match ultime de la série, ils l'ont emporté 5-3. On passe à la deuxième ronde du côté des Pats. Fait du bien? Ben, c'est une belle victoire. Là. Encore une fois, là, Guillaume Nadeau, j'ai pas de reproche à lui faire. Non. Deux des trois buts, c'est pas de sa faute. Un but en avantage numérique et un but qui a dévié sur un défenseur qui s'est retrouvé à sa droite. Bon, puis on a pu le marquer. Donc, Guillaume, qui a enfin connu un bon match, avait l'air extrêmement nerveux avant la rencontre. Je le regardais aller, son langage non-verbal. C'est sûr que c'est un gardien de but. Les gardiens de but, c'est toujours des êtres à part un peu dans leur façon de se comporter. On le sait, là, sont différents. C'est une race à part un peu, les gardiens de but. Mais il semblait extrêmement nerveux. Mais a fait des bons arrêts dès le début. 2-3 bons arrêts. Ça a semblé le lancer un peu. Ça a donné confiance. Ça lui a donné confiance, puis c'était absolument pas le même gardien. La rondelle restait là. J'ai pas compris du côté de Ryerson. Par contre, ce qu'avait fait leur pain et leur beurre samedi dans la défaite de 7-5, c'était de prendre des tirs bas qui touchait les jambières de Nadeau. Qui revenait. Et qui revenait. On arrêtait de faire ça. C'était souvent, on tirait souvent dans le plastron. On visait le haut du filet. On visait le haut du filet. Et bon, ben, faut l'avouer, là, Nadeau, là, hier, bon match. 23 arrêts sur 26 lancés. Donc, et de l'autre côté, bon, ben, les marqueurs, là, du côté des Patriotes, Tommy Tremblay, Jeff Desjardins, deux fois. Jeff Desjardins qui a évolué hier sur l'avantage numérique. J'étais un peu, pas inquiet, mais je doutais un peu de la stratégie. Jeff Desjardins, qui est plus un joueur de soutien. Ça a apporté fruit. Capable d'amener un peu de robustesse. Ça a apporté fruit. On l'a mis avec les deux Félix. Félix Lefrançois, Félix Petit. Et ben ces deux gars-là, c'est deux gars talentueux. Puis je pense que Jeff en a profité. Je leur ai fait un peu de place. Jeff, c'est pas un gros gars. C'est pas un grand gars. Mais il est quand même large un peu. Donc capable de lever les épaules un peu. Félix Lefrançois et Billy Lacasse en désavantage numérique là, qui... ont donné la victoire aux Patriotes avec ces cinq buts-là. C'était une bonne série. Des bonnes petites foules. Nous, au Colisée, quand même, 409 samedi, 361 hier. Des étudiants? Quelques-uns, ouais. Il y en avait un peu, ouais. C'était une belle foule. Puis là, ce qui est le fun, là, c'est que le prochain match est mercredi, donc je m'attends à ce qu'il y ait... Un peu plus de monde. Une bonne ambiance. Ben, hier, il y avait une bonne ambiance, mais là, je m'attends à ce qu'il y ait un peu plus de monde. Ça va être intéressant. Puis je dois lever mon chapeau et Jacques Laporte n'a pas hésité à le faire aux Rams de Ryerson. Ils ont donné une série. Ils sont venus ici. Ils devaient jouer deux matchs en deux jours. C'est pas facile. Tu parles, puis du côté de l'entraîneur Graham Wise nous disait après la rencontre, t'affrontes les Patriotes de l'UQTR, un des meilleurs programmes au pays. En disant, regarde, nous, là, on rentrait ici, là, tu sais, le thème underdog, là, ils se voyaient en dessous de ça. Okay, donc, ouais. OK? On affronte un des meilleurs, puis on leur a donné une game, on s'est vu. Je pense que, et je lui en parlais, et c'est ce qu'il m'a dit, l'an prochain, du côté des Rams, on déménage. Okay. Présentement, là, on joue à 40 minutes du campus à Toronto. Donc, imaginez. C'est loin. Suffit un peu, là, parce que Ryerson, c'est une université un peu comme l'UQAM. OK. Donc, en plein centre-ville de Toronto. Là, on va vraiment en banlieue. Mais pas de campus. Donc, l'aréna était située en banlieue. Imaginez une aréna là, qui serait située à Anjou, tu sais, ou quelque chose comme ça à Montréal ou à Shawinigan, pour ici, si on avait à comparer. L'an prochain, on va évaluer nulle part ailleurs qu'au Maple Leaf Garden. Oh! Oui. Maple Leaf Garden qui a été grandement transformé. C'est-à-dire qu'on a pris. C'est un petit peu difficile à s'imaginer. Là, vous irez voir les images sur Internet. On a pris ce qui reste du Maple Leaf Garden. On c'était acheté par l'Université Ryerson et par Loblaws, la chaîne d'épicerie. On a construit une épicerie au premier étage, un centre d'entraînement, tout un complexe sportif pour Ryerson. Et la patinoire va être située à ce qui était le troisième étage du Maple Leaf Garden. Donc, les estrades. Avec les estrades, ben là, on a refait beaucoup des choses. On a gardé une certaine partie de la structure, mais on a refait beaucoup de choses. Ça va être un aréna de 2000 places. Là. Ouais. Ça sera pas très grand, mais on a gardé la structure de bois qui caractérisait le Maple Leaf Garden. Tu iras voir ça, le New Maple Leaf Garden Ryerson. Écris ça comme ça, tu devrais trouver... Vous pouvez trouver ça sur Internet, donc vous mettrez ça sur la page de Salah Rocky. C'est très impressionnant. Donc, c'est le type de oui, c'est une défaite, mais le type d'expérience qui va pouvoir bâtir ce club-là. J'imagine qu'en ayant un aréna aussi à 5 minutes du campus, ça va permettre aussi de bâtir ça, puis de bâtir une tradition un peu gagnante. Donc, félicitations aux Rams, on va donner un match. Patriotes! On passe en deuxième ronde. On va maintenant affronter les Ravens de Carlton qui l'ont emporté hier en deuxième prolongation contre le Varsity Blues de Toronto. Du côté de Carlton, s'il y avait une équipe que entre les deux équipes qui se sont affrontées, c'était sûr qu'on affrontait soit Toronto, soit Carlton. J'aurais préféré Toronto. Carlton ont le numéro des Patriots. C'est une équipe qui est extrêmement solide. C'est une équipe qui frappe. C'est des gros bonhommes. Lorsqu'on joue du côté d'Ottawa, c'est jamais facile au niveau de l'arbitrage pour les joueurs québécois. Donc, ça va être très difficile. Particulièrement parce que je regardais hier là, dans le vestiaire des Patriotes et je vous dirais qu'il y avait plus de sacs de glace qu'il y a de sacs de popcorn au cinéma. Hein? Wow. Les gars, je les trouve déjà un peu pas mal amochés. Déjà qu'on l'était un peu en entrant en série, on avait quelques blessés. Là, les gars commencent à être pas mal maganés. Puis contre Cardin, ça sera pas facile. Ça débute ce mercredi au Colisée de Trois-Rivières. Ça va se déplacer vendredi à Carlton et dimanche, si match ultime, le besoin est là. Dimanche du côté Colisée Trois-Rivières. Donc, on a l'avantage de la glace, bien évidemment, du côté des Patriotes. Ça s'annonce comme une bonne série. Aussi, les gens qui vont vouloir suivre ça vont pouvoir le faire par le site SSN Canada, qui est un site bon, de web diffusion de plusieurs matchs universitaires. Donc, quand les Patriotes sont sur la route vendredi, ça sera possible de le faire. Ailleurs dans la Ligue, McGill a emporté 2-0 sur Queens. Passe en deuxième ronde. Et Ottawa a surpris Nipissing. Incroyable. Nipissing qui ont une bonne formation. Ottawa, on ne s'attendait pas à grand-chose d'eux cette année. Les ont surpris. Sortis en deux matchs. Ottawa va maintenant affronter McGill. Ça, c'est dans l'Est. Là. Donc, le gagnant de ce match-là va affronter le gagnant du match entre les Patriotes, la Sirette des Patriotes et Carlton. Messieurs, je vous parle d'une nouvelle qui est sortie. J'aurais aimé ça être avec vous. Ouais, la semaine dernière. La semaine dernière, parce que c'est probablement une des nouvelles les plus importantes du programme des Patriotes dans les dernières années, qui a été révélée par mon collègue Jonathan Roberge du côté de TVA. On tenterait, et Jacques Laporte, le pilote depuis 13 ans avec les Patriotes, serait en train de se faire tasser par la direction du CAPS. Du Centre de l'activité sportive du Québec, du service, devrais-je dire, d'activité sportive et physique de l'UQTR. Jacques Laporte, c'est 13 saisons, c'est 5 Coupes Queen, c'est 2 championnats nationaux, donc c'est un très, très, très gros nom. Pourquoi on veut le changer? Dans les dernières années, disons-le, il faut l'avouer, le programme de l'UQTR a perdu un petit peu de son lustre. Son lustre. Quand Jacques Laporte est arrivé, là, c'était une équipe qui a gagné 5 Coupes Queens de suite. Là-dedans, Jacques Laporte en a 4. 2 championnats nationaux depuis le début. Depuis 2003, ça l'a lentement mais sûrement descendu. Diminué. On a une coupe qu'on a gagnée. Ça, c'est dû à quoi? C'est dû à l'entraînement, au recrutement? C'est de multiples facteurs. Très important. Les facteurs, je vais vous expliquer. Bon, premièrement, les universités comme Moncton, comme Ottawa, comptaient. De plus en plus, les universités de l'Atlantique vont venir chercher des joueurs québécois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Les exactement. Joueurs québécois, à cette heure-là, t'as joué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, à peu près tout le monde se fait échanger 1, 2, 3 fois. Tu vas jouer dans les maritimes, tu parles déjà anglais, c'est pas un problème. On n'est pas comme à l'époque des dans les années 90 où tout le non, monde... Non, vraiment pas. Bon, le plus loin que tu pouvais jouer, c'était à peu près Rimouski ou Halifax, là, dans la première concession des maritimes qui a fait son entrée dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Ça, c'est une chose qui a changé. Donc, les gars, d'aller jouer ailleurs, d'aller jouer dans les maritimes ou en Ontario, ça les dérange plus tant que ça. On peut aussi côté coaching, il y en a qui émettent des réserves par rapport à ce que Jacques Laporte peut amener derrière le banc. Il fait 13 ans qu'il est là. Ce que j'ai l'impression que certains vont dire, c'est qu'il est un petit peu dépassé au niveau de ses méthodes d'enseignement. C'est ça, on peut en débattre. Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Comme tu dis, il y a peut-être un petit peu le lustre du programme qui a disparu un peu. Où est-ce qu'à l'époque, tout joueur qui sortait avec le hockey junior majeur du Québec voulait s'en aller là. Maintenant, il y a aussi la Ligue nord-américaine de hockey. Il y a des gars qui font bon, tant qu'aller jouer universitaire, pas payé, avec une bourse, ben, je vais aller jouer la Ligue nord-américaine. Les Patriotes ont perdu 2 joueurs au profit de la Ligue nord-américaine cette année, là, les défenseurs Gabriel Bourque et Parisien, Jonathan Parisien, donc, qui ont décidé à la dernière minute de se. Ben, pas à la dernière minute, en plein milieu de saison, de se joindre. Je sais aussi, bon, il y a eu un changement de direction l'an dernier du côté du CAPS. André-François Lafond qui est arrivé. Bon, c'est vrai. Qui dit nouvelle direction, dit nouvelle vision du programme. À ce moment-là, ben souvent, c'est les ancêtres du programme. Je veux pas, après 13 ans, là, t'es une institution, là. Mais ouais. Parfois, c'est justement un peu la cabane qu'on veut brasser. Ouais. Et je sais de source sûre qu'André-François Lafond a rencontré plusieurs joueurs à la fin de la saison dernière. Il m'a demandé ce qu'il pensait du programme. Et je sais aussi que entre certains joueurs et Jacques Laporte, et ça, c'est normal. Ça passe moins bien, puis ça n'a pas toujours été l'amour. Donc, à ce moment-là, si tu te fies beaucoup à l'opinion de ces gars-là, c'est ce que ça peut donner. Puis je sais aussi, là, du côté de... On peut regarder aussi, si on compare, Jacques Laporte fait 13 ans qu'il est ici, on compare avec les autres entraîneurs qui sont passés ici, ça restait pas très longtemps. Les Clément Jaudouin, les Danny Dubé, les Éric Lavigne, ça a été ici pendant 4-5 ans environ. Et ça a évolué. Avant de faire le saut vers la Ligue d'Hockey Junior-Major du Québec, Clément Jaudouin, là, qui est dans le club école du Canadien de Montréal, a même été assistant-entraîneur avec le Canadien de Montréal à une certaine époque, à une mauvaise époque, là, disons-le, là, Mario Tremblay, etc., etc. Lavigne aussi, là, qui s'est dirigé. Donc, c'est pour ça. J'ai l'impression qu'on veut shaker la cabane et on va tasser Jacques Laporte. Mais là, tasser, c'est bien, c'est vite dit, là, mais il faut pas oublier que Jacques Laporte est un employé à temps plein de l'université, donc syndiqué, donc a un poste comme entraîneur, s'occupe de la promotion. On doit donc le réaffecter. Certains disent, les rumeurs qui courent disent qu'il pourrait être placé comme... un peu directeur général du club, donc s'occuperait du recrutement, s'occuperait de la promotion, s'occuperait de développer des partenariats un peu avec le club. Est-ce que tu sais si ça lui tenterait ou... Ben, moi, est-ce que ça lui tente? Est-ce que ça lui tente? Non, probablement pas. Si tu lui demandes, est-ce que tu veux t'en aller derrière le banc? Non, parce que Jacques Laporte aime entraîner. C'est un coach. Oh, ouais. C'est un coach depuis le National de Joliette à l'époque, là, dans la Ligue d'Hockey Junior 3A du Québec, devrais-je dire. Donc, est-ce que ça lui tente d'être tassé? Non, absolument pas. Si on lui offre, je sais aussi qu'il regarde beaucoup du côté des médias, fait les séries Québec-Montréal, fait de la radio. A pris des cours en communication. Donc, peut-être que moi, être lui, je penserais à deux fois, là. Comme ça, là. Puis ça se pourrait que... Ça se pourrait qu'il y ait un tsunami qui se passe. Attendez-vous à des... À la fin de la saison, par exemple. C'est un dossier qui est très lourd, très chargé. Attendez-vous à des gros de grosses surprises, de gros dévénements là, d'ici l'été. Plus parce qu'on est en plein recrutement là aussi. Là. Mm. C'est là qu'on est en train d'aller chercher les joueurs de hockey junior, d'aller dans le hockey junior majeur du Québec, les gars de 20 ans, puis de leur dire « Hey, viens jouer. » Là, tout ce que tu veux dire, je vais jouer pour... Tu sais, c'est Jacques Laporte qui te repêche. « Viens jouer pour moi, viens jouer. » Ou quand les assistants-entraîneurs, là, si tout le monde se fait tasser, comme les rumeurs et les sources qu'on a nous disent. Non, en même temps, faut que tu laisses finir la saison. Ouais, mais toi, t'étais une recrue. Puis là, tu vois ça, puis là, tout de suite, après, bon, t'es rendu à faire ton choix, à dire, bon, c'est correct que je vais laisser faire McGill, je vais aller du côté de l'UQTR. Puis à la dernière seconde, ils mettent les entraîneurs dehors. Wow, OK, t'as une minute, là. Ouais. Est-ce que j'ai encore ma place, là? C'est-tu vraiment là que je vais aller, finalement? Qui va entraîner là? Je le connais pas, lui. J'ai jamais parlé. Ouais. Puis est-ce qu'il me veut, lui aussi? Est-ce qu'un nouvel entraîneur me veut? Bon, un entraîneur façonne pas son équipe comme un autre pilote peut le faire. Donc, ça va être des questions très importantes. Attendez-vous à des changements très importants là, du côté des Pats. J'apprécie d'ailleurs sa réaction. C'était ton collègue, en fait. Oui. Tu pourrais rappeler son nom, je me rappelle. Jonathan Roberge. Oui, qui lui a annoncé. C'était bizarre, mais en fait, j'ai aimé voir la réaction. Ben, j'ai l'impression que du côté de Jacques Laporte, on aurait préféré que ça sorte pas là. Non, c'est sûr. En pleine série éliminatoire. Il avait l'air complètement surpris, ébahi. Ben, c'est normal, je crois. Puis, parce que... Était filmé, mais personne voulait que ça sorte là. C'est ça, était filmé. Ça. Là. Ben, c'est un peu le problème à travers tout ça. Puis je pense que du côté Jacques Laporte, on voulait pas que ça sorte là parce qu'on a la tête aux séries éliminatoires. Il l'a dit lui-même. Ben non, c'est ça. Puis on se concentre sur les séries. Ben, puis tu veux que tes joueurs se concentrent là-dessus. Là. Exactement. Hey, on quitte le hockey, on s'en va au soccer. Je vois le temps qui avance rapidement. Là, très, très rapidement. Les Patriotes féminines hier au niveau du soccer qui sont faites battre 4-0 par Montréal. Ça commence à se compliquer là, du côté des filles parce qu'on est en sixième position. On ne reste qu'un match à la saison. On a une fiche de 2 victoires, 3 défaites, donc on a 6 points. On est à 1 point de Laval, mais par contre, la fin de semaine prochaine, Laval va se frotter au Redmond de McGill, devrait perdre. Concordia va affronter l'UQTR, ils sont un petit peu à Laval. Donc avec une victoire, les Patriotes pourraient rejoindre Concordia et dépasser Laval. Quatrième position, là, tout dépendant les buts pour, buts contre, ça va jouer aussi. À ce moment-là, ben, Concordia a l'air en avance là-dessus. Donc peut-être un cinquième rang, mais ça regarde beaucoup plus pour le sixième rang. Du côté des filles, du côté des gars, ça va beaucoup mieux. Ça va très bien. Du côté, pas beaucoup mieux, très bien du côté des gars, faut le donner. On l'a emporté cette fin de semaine 1-0 contre 2-3, 3-2 plutôt contre les Carabins de Montréal. Donc, avec cette victoire-là, on est au quatrième rang avec 9 points. La meilleure équipe du classement, c'est Laval qui a 10 points. Donc, un point de différence. On se souvient qu'une victoire au soccer, c'est 3 points. La semaine prochaine, les Pats vont affronter Concordia, la pire équipe de la Ligue, qui n'a toujours pas de victoire. On peut s'attendre à 3 points. Du côté de Laval, par contre, Laval n'a pas 10 points. Je vous ai dit 10 points, c'est pas vrai. C'est parce que sur le classement, il y a un match qui n'est pas comptabilisé. C'est 11 points. Laval, qui eux vont se frotter la semaine prochaine à McGill. McGill qui sont avant-derniers dans la Ligue. Je m'attends à une victoire. Donc, Patriotes, si tout va bien, on va obtenir le deuxième rang au classement avant à l'aube des séries éliminatoires là, qui vont s'ouvrir pour le hockey. Le hockey plutôt, le soccer. Mauvais sport. Mais je reviens au hockey. Canadien de Montréal cette fin de semaine. Deux matchs vendredi. Victoire. Deux matchs, un échange. Deux matchs, une transaction exactement. J'en reparle un petit peu plus tard, un petit peu plus tard de la transaction. 4-3 la victoire contre les Sabres de Buffalo. Bon, s'il y a un match que les Canadiens pas voulait perdre, parce que je sais que du côté du Canadien, on veut absolument pas faire le fameux fell for nil. On veut pas tomber dans les bas-fonds du classement. En même temps, c'est ce qu'il faudrait faire, mais... Désolé. Oui, c'est ce qu'on devrait faire, logiquement, mais tu sais, tu peux pas demander à des compétiteurs, des athlètes, de « Hey, père! » Ah non, okay? Non, c'est sûr, puis les gars veulent scorer, c'est leur contrat, c'est les ça. Gars, ils... C'est ça, ils gagnent de l'argent avec t'as ça, là. Beaucoup de choses en jeu, non, là. Si tu non, donnes pas là... Puis en même temps, tu peux pas... C'est comme tu dis, tu peux pas dire à tes joueurs, « Mais là, ouais, ouais, pognez-vous le derrière. Si » L'aréna est plein, c'est tout du monde qui a payé ça, des prix. C'est ça, exactement ça. Puis tu peux, il y a des gars, les contrats sont en jeu. Là. Oui. Tu sais, il y a un gros ménage qui s'en vient du côté du Canadien. Tu veux t'assurer d'être du bon bord du balai. Là. Hein? Ben, c'est ça. Mais bon, c'est une victoire contre Buffalo. Au moins, Buffalo a été chercher un point à travers tout ça. Je pense que du côté du Canadien, on est mieux d'oublier les séries, commencer à vendre plus, mais. C'est ce qu'ils ont fait. À défaut de. Ben, ça n'avait pas de l'air fait jusqu'à tout récemment. Là, on était sur une bonne séquence quand même du côté du Canadien là, jusqu'à tout ouais, récemment. Ouais. Au moins, le Buffalo va chercher un point. Je pense que du côté du Canadien, ce qu'on doit faire, là, c'est se tenir vers les bas-fonds du classement. Il ne faut pas oublier qu'il y a une loterie à la fin de l'année. L'an passé, les Devils du New Jersey, je crois, l'avaient emporté, ce qui leur avait permis de vraiment monter au classement, de repêcher quatrième au lieu de... Je crois qu'il était... il aurait repêché le neuvième. C'est donc, quoi la loterie? On prend les 8-9 pires équipes de la Ligue et... on met ça dans un chapeau? On met ça dans un chapeau. Puis bon, selon les chances, si tu termines dernier de la Ligue, t'as 25% des chances d'être pigé. Si tu termines avant-dernier, t'as, mettons, 10%. Et ça te donne quoi? Un choix de plus? Ça te permet de monter. C'est pour t'assurer, justement, que personne fell for nil. Mais si t'es dernier, tu peux pas monter? Si t'es dernier, tu t'assures de piger premier. Tu comprends? Tandis que si l'équipe qui est... Tu finis en dernière position? Cette année, Columbus va finir dernier. Ouais. Admettons que Buffalo finit avant-dernier. Ouais. Si Buffalo est pigé, elle vient tomber premier. Ouais. Devance Columbus. Mais Columbus a beaucoup plus de chances d'être choisi parce qu'ils ont fini dernier. Ils ont 25%, mettons, des chances d'être choisi. J'ai pas les chiffres avec moi, là, donc ça. Hier, le Canadien, bon, qui s'est fait battre, pareil, je vous en parlais, les Devils du New Jersey, une défaite de 3-1, c'est pas un match qui va passer à l'histoire. No, la hein. seule belle chose à se signaler dans ce match-là, là, c'est l'hommage qui était rendu à Gary Carter, décédé la semaine dernière là, d'un cancer au cerveau, des tumeurs qui étaient apparues pour le grand joueur de baseball. C'était bien fait, comme d'habitude avec le Canadien, un beau vidéo commémoratif. Et je trouve que d'avoir amené Youpi avec la chemise des Expos, aux couleurs et au numéro de Gary Carter. Ça a été très bien fait. Félicitations aux Canadiens. Et, que Dieu est, ou peu importe. Là, qu'il repose en paix. Qu'il repose en paix, que M. Carter repose en paix. Et on a vu que c'était quelqu'un de populaire hein, avec tous les témoignages qu'on a pu avoir à travers ça. Transaction, tu nous en parlais. Gill qui a pris la route de Nashville. En retour, le Canadien obtient Blake Geoffrion, Robert Slaney, un deuxième choix contre Gill. Agent libre sans compensation. Mais tout le monde dit que c'est ça, c'est un bon move. Un bon move? Quoi? Non, honnêtement, là... c'est exceptionnel. Je peux pas croire du côté de Nashville qu'on a appuyé sur la gâchette sur celle-là. Là. Je sais que c'est les enchères de la fin de la saison. Là, puis on vient d'aller chercher une pieuvre qui va être très utile en séries éliminatoires pour Nashville. Mais c'est cher à payer. C'est cher à payer. Surtout que le lendemain, là, Pavel Kubina, là, qui a été échangé. Attendez. Pavel Kubina qui est passé du Lightning de Tampa Bay aux Flyers de Philadelphie. En retour, du côté du Lightning, on a obtenu les joueurs suivants. On a obtenu un choix de quatrième ronde, un choix de deuxième ronde et John Kalinske. Donc, tant qu'à moi, là, Kubina a coûté légèrement plus cher que Gill. Mais pour... Gill, on a eu un choix au deuxième round, non? Un choix de deuxième round. Bon, Blake Geoffrion, bonjour la pression. Là. Le talent là, chez les Geoffrion, là, ça baisse d'année à, de génération en génération. Faut pas s'attendre à... On a eu Howie Morenz, qui a été un des meilleurs c'est joueurs. C'est la même famille? Oui, c'est Howie. Ouais. Howie et, c'est le Howie était le beau-père de Boom Boom Geoffrion. Ah, okay? Non, chapeau. Donc, Howie... qui a été un des meilleurs joueurs de son époque. C'est juste qu'on c'est une époque qu'on connaît. Oh, ouais, non, c'est ça, ce c'est très vieux. Ça date de quoi? Des années 30. Des années 30. Boom Boom, qui a été excellent, le slap shot, qui complétait bien Canadien avec, entre autres, Maurice Richard. Son gars, Danny Geoffrion, qui a joué un peu dans la Ligue nationale, mais qui n'a pas été mais un très pas, grand succès. Ben, c'est ça. Ça ne dit pas grand-chose, Danny. C'était dans les années 80. Et... Blake, là, qui est là. Et lui, Blake, c'est son garçon? C'est le garçon c'est le garçon à Danny. Il a gagné le trophée Hobby Baker, remis au meilleur joueur universitaire. Par contre, son apprentissage en Ligue nationale, c'est un petit peu plus long. Il a joué quelques parties dans la Ligue nationale. Oui, il a joué quelques parties. Non, mais ça sera jamais un grand joueur. Ça va être un grinder, un peu de troisième trio, un joueur qui peut amener un soutien. Un Lapierre. Un Lapierre. C'est un gars qui a des bonnes épaules, qui est capable de frapper, qui amène du leadership là, avec Wisconsin là, du côté des États-Unis, avait connu une très bonne fiche. Donc, c'est un joueur que je sais, je crois, un choix de deuxième ronde, il faudrait que je vérifie, qu'on aimait beaucoup du côté de Nashville lorsqu'on l'a repêché, mais à date, ne vit pas nécessairement son plein potentiel. Mais excellente transaction. Écoutez, je pense que c'est la deuxième de suite d'André, pas d'André Savard, qu'est-ce que je disais, de Pierre Gauthier, là, de Monsieur Gauthier. Après René Bourque. Ouais, après celle de René Bourque contre Mike Camilleri, on avait libéré du salaire, on avait obtenu un bon prix pour Michael Camilleri. Ben écoutez, si on est sur cette lancée-là pour... Non, mais c'est sûr, faut pas faire les choses à moitié. Là. Non, je pense qu'on l'a dit, ça prend un ménage. Mais je pense qu'ils ont compris aussi. Là. Ouais, on semble avoir accepté qu'on ne fera pas les séries, malgré ce que certains ont essayé de nous faire croire. Là. Ben ouais, il y a trop, présentement, là, on regarde le classement de la Ligue nationale, là, il y a beaucoup trop... d'équipe entre les Canadiens et les Maple Leafs de Toronto pour espérer... Les Maple Leafs qui sont en 8e. Les Maple Leafs qui sont en 8e position, donc je pense qu'on peut oublier ça. Qui pourrait partir là, du côté du Canadien? Ben, André Costin, c'est un nom que plusieurs avancent. Travis Moen, s'il finit par guérir de sa blessure, serait un autre joueur qui pourrait partir. Je pense avec Markov? Ben là, personne ne va toucher à Markov présentement. Là. C'est un peu comme un moteur, une voiture sans moteur. Tu vas pas courser avec ça. Ben il y en a qui les achètent pas trop cher. Puis... Ouais, mais. Ils l'ont acheté cet été. Ils payent 5 millions par saison. C'est cher. Certains pensent que Tomáš Cabarlé pourrait n'avoir fait qu'un court séjour à Montréal. Je pense pas qu'il y ait vraiment une demande pour Tomáš Cabarlé là, du côté de la Ligue nationale. 17 points en 31 matchs. On sait jamais. Peut-être qu'une équipe pourrait mordre très désespérée à la dernière seconde, pourrait mordre à l'hameçon, mais j'en doute fortement. La date limite des transactions, c'est lundi prochain. Non, ouais, 27, bon, donc, okay. On devrait avoir beaucoup de dénouements. Là, ça va commencer à bouger. Là. Ça va commencer à bouger rapidement, donc on pourra avoir lundi des dénouements là, dans les prochaines semaines. Ça veut dire que lundi prochain, tu vas parler de ça. On va parler de ça, exactement. Et en terminant rapidement là, les pointages de fin de semaine, Shawinigan qui a été battu vendredi dernier, 3-2 par Bécomo. Le lendemain, ils se sont repris samedi, victoire de 3-2 contre les Saguenay de Chicoutimi. Les Cats qui occupent présentement le premier rang de la Ligue d'hockey junior majeure du Québec avec 85 points devant ces Sea Dogs qui ont un point de moins. Et du côté du Coron-Aiguille, une victoire, une défaite cette fin de semaine contre le Wild de vendredi 5-3 alors qu'ils se sont inclinés 4-1 contre le Cool FM de Saint-Georges-de-Beauce samedi. Et voilà! Merci, Nick. Hey, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Mais oui, lundi prochain, 8h30. Avec du charme et du sport, Nicolas Ducharme de l'Écho de Trois-Rivières. Voilà. Nous, c'est la fin d'Assemblage requis pour aujourd'hui. On se retrouve demain entre 7h et 9h. Et demain, on a la nouvelle chroniqueuse, Gabrielle Degrasse. Oui, exactement. On reçoit aussi Stéphanie Gagné. Oui, et Marie-Pierre Laforge-Bourret avec sa chronique littéraire. Formidable. Belle émission demain à 7h. Restez sur nos ondes. À 11h, ce sera le dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, la présentation additionnelle à valeur ajoutée des Palmarès C'est fou. Avec moi-même et Jasmine Raymond-Dreville, il n'y a rien de plus dedans, même si on se valeur ajoutée, c'est mort. À 16h, les Ladies du Boudoir. À 17h, tout au lié. C'est comme l'Ultra Drano un peu. Il n'y a pas de différence. Achète un des deux, ça fait la job, ça arrête. À 20h, c'est Catalepsie, l'émission musicale thématique de Simon Fitzbé. Allez voir le cif.ca pour la programmation et assemblagerequis.com pour les notes et les liens de l'émission et les balado-diffusions. On a aussi une page Facebook, Assemblage Requis, où j'ai posté, entre autres, le nouvel aréna de Shows Ryerson, mais aussi des photos du nouveau Loblaws avec leur mur de fromage. Un mur complet de fromage. Mais as-tu remarqué au Loblaws, il y a de la peinture sur le plancher qui dit où étaient les cercles de mes enjeux, où étaient les... Le centre de la glace. Ouais, vous regarderez. Je ne savais pas, en voyant sur tes photos tantôt, j'ai remarqué, il y a un rond rouge par terre. Ah, c'est cool, c'est pas ça. C'est là que j'en ai compris pourquoi il était là, ce rond-là. C'est vraiment... Okay. Moi, c'était la mise en jeu. J'adore ça. Il y a plein d'hommages au hockey, plein de photos dessus. Donc, c'est vraiment bien. Sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Passez une très, très belle journée. François, merci. Mais Mathieu Plante, merci. Nicolas Duchamp, Xavier Antoar. Bye-bye. On se quitte avec Sweet Sour, une pièce de Band of Skulls, nouvelle entrée du palmarès anglophone. Bye-bye. Takes care of his own.